suis dans la vie de croisière d'assemblage requis. Kim Bergeron est de retour pour nous parler de l'événement multiculturel Mosaïque. Et Catardi nous parle du rôle des boîtes de nuit dans l'échelle évolutive. La vie de croisière d'assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à la vie de croisière d'assemblage requis pour la semaine du 14 mai 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, Jasmine Raymond-Rainville. Oui, salut Jasmine, ça va bien? Mais oui. Passe une belle semaine. Mais oui. Oui. Toi? Oui. Oui. Tout le monde est content. Hein? Il fait beau. Ben, il fait beau, c'est ça. Ouais. David Ferron qui est avec nous aussi, ça va être notre premier chroniqueur dans l'émission d'aujourd'hui. Bonjour. Ben, bonjour vous deux, vous allez bien? Mm-hmm. Ben oui. Oui. Ah, c'est beau! T'as passé une belle émission avant nous le jeudi, oui? Ben oui, super, mais j'avais hâte d'être avec vous, sérieusement. Vous êtes deux animateurs qui sont vraiment le fun avec qui être et j'avais trop hâte d'être avec vous deux. T'es beaucoup trop rempli de compliments aujourd'hui, on te renvoie la balle. Et j'aime ton chandail Chiptunes aujourd'hui. Merci, aujourd'hui c'est Mario, mais aussi ses amis. Hein. Il y a la pieuvre, il y a Bowser. Le champignon, c'est, il s'appelle un Goomba. Ouais. Ah, ce sont... La bombe s'appelle comment? Bobombe. Ouais? Bobombe. Oh. Ouais. Ah. C'est comme ça. Bobombe. C'est le fun, hein? Plein de beaux petits personnages. Ouais. Donc aujourd'hui à l'émission, on va faire un petit peu le plan de l'émission. On va avoir entre autres, bon, David Ferron l'a dit, qu'il va nous parler des élections algériennes. Oui. Ça va être bon, ça? Ben oui, ça va être excellent. Toujours très informatif, oui. ensuite, on va avoir la chronique de Mathieu Roy, sa chronique nautique. Oui. Oui. On va avoir notre chronique, la chronique de Simon Fitzbé. En fait, elle n'a pas encore de nom, mais moi, j'appelle ça comme pour l'instant les explications de Simon. Mais j'essaie de faire un jeu de mots. On n'a pas eu encore, tu sais. Non, ben c'est ça. On a pas. C'était quoi la semaine passée? C'était un phénomène sur les Beastie Boys. Oui, c'est vrai, c'est ouais. Ça. Donc, j'essaie de faire un jeu de mots avec Simon. Tu sais, si mon rôle était de ou quelque chose de genre, mais je trouve rien. On va peut-être en parler avec lui. Ouais. Si mon cœur me disait de, je sais pas quoi. Je sais pas. Ensuite, on aura DJ Catardi avec sa chronique à ses artistes. Aujourd'hui, c'est le rôle des boîtes de nuit dans l'échelle évolutive. Là, ça a l'air très avancé. Ça a l'air vraiment maîtrise en études québécoises. Oui. Là, quelque chose une thèse. De même, J'avoue. Kim Bergeron va être avec nous à la fin de l'émission pour nous parler de l'événement multiculturel Mosaïque qui a lieu du 19 au 20 mai. Il va recevoir Elsiane en entrevue. Moi non plus. Entre tout ça, on aura la chronique Geek CNX, la chronique Sex Smith, ça devrait pas, on l'a pour régler vos problèmes, ainsi que C'est un fait pour en apprendre plus sur les choses de la vie. Hein, ça fait une émission chargée, tout ça. Comme toujours. Comme toujours. Alors, on a aussi le palmarès francophone de la semaine du 14 au 27 mai à entendre. C'est vrai. Mais en fait, de la période, on l'oubliait. C'est deux semaines. On l'oubliait, même si on doit passer ça, au travail. C'est ça, ouais. C'est difficile des fois, hein? Ouais. Ouais. Mais bon, vu qu'on on a quelques membres de l'équipage qui ne seront pas avec nous aujourd'hui, entre autres Anne-Julie Durocher, qui ne sera pas là, et Justine Renaud non plus. Oh. Donc, on aura plus de temps pour jouer la musique. Oui. Ouais. Oui. On va commencer avec trois nouvelles entrées francophones. Jasmine, on va entendre Élie Papillon, qu'on a eu en entrevue la semaine passée. Oui, il était sympathique. Très gentil. Oui. On aura aussi les Delaware Check, mais on débute en 20e. Avec les Breastfeeders et la nouvelle entrée. Voyons, pour commencer. Ce ne sera pas un jour comme les autres. C'est long. Ça ne sera pas. Donc, je vais me reprendre. Ce ne sera pas un jour comme les autres. Ben non, ben c'est parce que les insérés le jour où vous nous écoutez ici sont toutes des journées très, très spéciales pour nous. Ouais. Dépendant de quand vous écoutez. C'est ça. C'est ça. Oui. Pas mal 7 jours sur 7, hein? Mmh. Non. Ouais. Si on dit que tout va, tout s'en va. numéro 19. Nouvelle entrée. Entrée du côté francophone, on vient d'entendre les Résidences Soleil des Delaware Chuck sur l'album Le Tour du Chapeau en 19e place. Ça nous fait penser à une publicité qu'on n'arrive pas à trouver. Ah, oh, mais que Mathieu a jamais vu en fait. Non. Publicité savoureuse. Je suis poche comme ça, mais les en même temps... Les Résidences Soleil, c'est vraiment... c'est savoureux. Et maintes fois parodié. Par oui. Marc Labrèche, entre autres. Oui. Et par François Pérusse, qui en a fait une chanson aussi, une espèce de pub tout aussi sublime. Ah, que oui. L'original. Hein? Mais en tout cas, avant ça, on a entendu les Breastfeeders avec que ce ne sera pas un jour comme les autres. Mm-hmm. Et là, on revient entre les nouveautés, ce qu'on fait pas d'habitude, parce que Mille Querelles de Les Papillons s'en vient. On voulait vous rappeler qu'ils étaient en entrevue la semaine passée à l'émission et que vous pouvez retrouver la balado-diffusion de cette émission-là sur assemblagerequis.com. Hein? C'était juste pour faire une pub comme ça. Hein? Mm-hmm. C'est sûrement pas parce que j'avais pas préparé l'MP3. Non, c'est ça. Ben non. Non, non, non. Franchement, tu me prends pour qui? Professional Power, tu sais. Mille Querelles et Les Papillons, tout de suite. Allez, vite, croisière, l'assemblage requis sur C'est fou. Ta nouvelle flamme démon. Gilles Carrel de Élie et Papillon, c'est la position numéro 18, nouvelle entrée du côté francophone. Avant ça, on a entendu les Delaware Chuck et Résidence Soleil en 19e place. Et puis les Breastfeeders au début du bloc, on l'a dit tantôt, ce ne sera pas un jour comme les autres sur l'album Dans la gueule des jours. Voilà pour les nouvelles entrées de cette semaine. Tantôt, on entendra Dumas, Les Revenants et Marie-Pierre Arthur dans le reste du top 20 francophone. Mais avant ça, David Ferron est là. Ben bonjour. Bonjour. Jasmine nous a quitté quelques minutes, hein, ça paraît. Ah ben oui, où es-tu Jasmine? Ah, elle laisse un vide et sûrement elle se prendre un petit cocktail au bar du bateau. J'espère qu'elle va nous en rapporter pendant qu'on est occupé à animer une émission. Ben toi surtout là. Surtout moi, mais toi tu vas faire le contenu. En fait, moi je ne fais qu'animer et laisser les gens faire tout pour moi. T'sais. Ben c'est parce que je suis pas capable, j'admire trop ton chandail Chiptoons, il est vraiment beau, je suis tout déconcentré. Aussitôt que t'as des couleurs, t'es comme un chat hein, toi, faudrait pas t'amener du papier d'aluminium ou... Exactement, oui. Puis j'essaie de toucher ton chandail, puis tu veux pas. Parce que j'avais pas de me tasser. Oh non, non, bon. OK. Donc, petit chat. Oui. David, de son prénom. Eh oui, bien tant qu'à parler de chat, retournant nos moutons pour ma chronique Graines de pivot. Parfait, on va se rapprocher du bord de l'eau, ça te dérange pas? Ben non. David. Et hey, surtout avec le fond de marche, j'adore ça. C'est génial, hein? Eh oui, j'adore le mash-up. Méchant beau mash-up. Oui. Donc, David, aujourd'hui, tu nous parles des élections en Algérie dans ta chronique. Oui, j'ai essayé de vulgariser ça le mieux possible parce que c'est assez complexe. À chaque fois que je parle d'élections dans un pays, c'est très, très complexe. Ben toujours, mais tu continues de le faire parce que tu dis que ça vaut la peine d'éduquer le public. J'essaie, c'est sûr qu'on en parle quand même, mais pourquoi... les élections algériennes, j'aurais pu parler des élections grecques, mais étant donné que moi, je m'intéresse au pays où ce que ça parle en français, ben la Grèce, oui, il y a une population francophone, sans doute, mais... puis aussi, c'est particulier, parce que vous savez qu'à peu près tout le Maghreb, c'est-à-dire l'Égypte, la Libye, la Syrie... je sais pas, en fait, si Libye, Syrie fait partie de la Maghreb, les pays de l'Afrique du Nord, Libye, Syrie, Tunisie, Maroc aussi, ils ont toutes... voulu renverser le pouvoir, etc., etc. Et là, dans certains cas, on a eu des pays islamistes dits modérés, comme par exemple le Maroc et en Tunisie, sauf qu'en Algérie, les élections ont donné la même affaire qu'il y a 10 ans. OK. En fait, depuis 10 ans, c'est la même, c'est le même dude qui se présente et qui s'appelle Abdelaziz Bouteflika. Je suis vraiment désolé. Ben, Bouteflika. C'est ça, c'est difficile à dire. Oui, bien, M. Bouteflika, de son Front de libération populaire, a été élu, en fait, à presque majorité, c'est-à-dire qu'il a rapporté les 220 sièges sur les 462 disponibles. Et là-dedans, il y a 150, à peu près 100, entre 120 et 150 sièges attribués aux femmes, ce qui a fait le bonheur, entre autres, d'Hillary Clinton, de Ban Ki-moon, qui est le secrétaire général de l'ONU, qui a fait l'affaire aussi de plusieurs représentants. Il y a même eu des observateurs qui sont venus voir les élections comme des observateurs africains, européens. Comme un moment historique. Ou, ben, pas historique, ben, important. Ça. Oui, ben, en fait, c'est le gouvernement qui s'est dit, venez, on va vous montrer à quel point qu'on est clean. OK. Mais il y en a qui contestent ça pour dire comme quoi ça a été juste du fake. Dans le fond, qu'on s'est arrangé pour que ça a l'air clean, pour que les observateurs disent « Oui, c'est beau, vous êtes dans une démocratie, tout va bien. » Des apparences. Oui, exactement. Ce que certaines personnes disent, surtout ceux qui ont perdu, surtout, par exemple, des partis islamistes ou des partis d'extrême-gauche qui, eux, revendiquent, s'opposent à la victoire de monsieur, je vais le renommer, Bouteflika, qui lui a été élu, puis ça fait pas l'affaire de certains partis, parce que selon les sondages, ça a été les partis islamiques qui ont été au pouvoir parce qu'il y a une coalition qui s'appelle l'Algérie verte, qui est une coalition des islamistes. Ça ne serait pas été nécessairement eux au pouvoir, mais eux, il y avait plus de sièges prétendus que ce qui a été en réalité. Donc, ça fait pas leur bonheur. Mmh. Et aussi, il y en a qui disent que, OK, il y a eu 40 partis parce qu'il y a eu 40 partis. 40 partis? Oui. C'est beaucoup trop, hein? Ben, ça doit te séparer le vote pas mal, ça. Ben, pas mal, ce qui fait en sorte que, dans le fond, le parti au pouvoir, le FLN, qui était au pouvoir avec 227, qui représente à peu près 40-45% des sièges. Mais t'as 40, t'as les autres qui se splitent 3 sièges, 4 sièges. Les miettes, les restants. Oui, c'est ça. Ils prennent les restants, mais c'est quand même, c'est ça. T'as la grosse part, puis t'as les petites parts après. Mmh. Là. C'est ça. Ça fait comme une espèce de poupée russe. T'as la grosse part, puis après ça, ça descend. Et est-ce que tu sais, c'était quoi le taux de participation? Non. Devine. Attends un peu, là. Est-ce qu'ils sont pas obligés de voter pour commencer, c'est ça? Bonne question. Non, ils sont pas obligés. OK. S'ils sont pas obligés, je dirais la moitié, 50. Un petit peu plus bas, en fait, 43%. OK, quand même. Oui, mais ben c'est mieux c'est que la dernière. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est mieux que la dernière fois qui était, je pense, 36-37% des voix. OK. Tandis que là, c'est 42-43% qui a été élu, en fait, aux dernières élections précédentes. C'était encore le même président. Ouais. Lui, il a été élu à 90%. Hey, hein? Comment mais... ça? Bizarre, ça. Ah, mais tu sais, des fois, c'est pas très, très honnête. Mm-hmm. Donc là, c'est sûr qu'avec un 45%, 50% des sièges, là, ça fait plus honnête. Mais même à ça, il y en a qui crient comme quoi ça a été malhonnête, comme quoi il y a eu de la corruption. Et aussi, il y a eu quand même eu 150 plaintes aussi par rapport aux élections. Puis, faut se rappeler comment l'Algérie est faite géographiquement, c'est que tu as les partis qui sont au nord, qui, eux, sont plus compacts, tandis que plus qu'on descend vers le Sahara, et moins qu'il y a de monde. OK. Dans le fond, c'est comme, mettons, si tu partais à Montréal, tu t'en allais à Gaspésie, mm-hmm. tandis que là, au lieu d'aller vers ouest-est, là, tu t'en vas nord-sud. Fait que là, ce qui fait en sorte que certaines personnes qui ont se déplacé 3 heures pour aller voter. Et ça, c'est pas nécessairement tout le monde qui veut le faire. Non, c'est ça, puis ça écœure un petit peu, puis ça a des complications, puis c'est pas ouais. tout le monde nécessairement qui a la haute technologie là-bas qui vont pouvoir voter. Mm-hmm. Puis aussi, les femmes puis les hommes votent pas dans les mêmes pièces. Les hommes peuvent voter dans une pièce, puis les... Une ségrégation des sexes, là. Ben, si on peut dire ça comme ça, ouais. oui, d'une certaine manière. Puis aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'organisation est un petit peu mal faite. C'est-à-dire qu'après les élections, le comité électoral s'occupe pas de tout ramasser. Par exemple, il y a une école... qui, elle, la direction et son personnel ont dû tout cliner les votes, c'est-à-dire les bulletins de vote qui ont été traînés partout dans la ruelle, avant que les jeunes s'amusent avec ça, puis mangent et s'étranglent avec ça. Ben, okay. Non, j'exagère en disant ouais. ça, là, ils n'auraient pas fait ça. Mais l'encre peut être toxique, mettons. Oui, exactement. Ouais. Ça peut être toxique, en c'est effet. C'est vrai, mais pour vrai. Oui, depuis que j'en mange, j'ai mal au cœur. Ouais. Hein. C'est arrête. Ça. Oui. C'est ce qu'ils disent, arrête. Je suis dépendant. Mais tout ça pour dire que vraiment, c'est parfois mal géré. Et aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'armée est encore là. Mm-hmm. Donc, l'armée et le gouvernement sont très amis-amis. Ce qui fait en sorte que, par exemple, quand les Algériens ont voulu se révolter, parce que qu'est-ce qui arrive, la situation économique là-bas n'est pas très reluisante. Les jeunes ont de la misère à se trouver une job. Le salaire, par exemple, je vais vous comparer le salaire d'un député avec le salaire d'un employé normal de l'Algérie. C'est à peu près par année 4 500. Un député gagne 80 000. Ce qui fait en sorte un écart de 18 fois. Mm-hmm. Ça semble pas, ben, les multinationales gagnent 200 fois plus que nous, des fois 2000, mais c'est quand même beaucoup parce que les députés, mettons, le salaire moyen, c'est quoi, 30 000? 35 000, puis un député, c'est 180 000. C'est... Fait que c'est 6 fois, tandis que eux, c'est 18 fois plus. Mm-hmm. C'est beaucoup. Ça veut dire 3 fois plus que 6 fois plus? Exactement, ça en fait 18. En effet. Ouais. Et on est fort en masse. Pas pire. Donc, ce qui fait en sorte que là, il y a des gens qui sont vraiment pas contents, qu'il y en a qui disent qu'il y en a qui se présentent pouvoir juste pour le cash, pour avoir une bonne retraite et tout. Puis aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui disent « Ah, ben finalement, c'est une gériatocratie. » Gériato, c'est vieille personne, ça veut dire? Oui, exactement, parce que justement, c'est des gens qui sont au pouvoir, comme le président, il est là, il a occupé différents ministères depuis les années 60. Là, c'est qu'il n'y a comme pas de fin à son mandat. Il n'y a pas de mandat, finalement. Il est là jusqu'à temps qu'il meure, finalement. Ben, avant ça, au contraire, c'est qu'avant une de ces élections, les mandats des présidents, c'était 2 fois. Tandis que là, il a fait un amendement à la Constitution pour qu'il soit élu. Ben oui. Jusqu'à temps que le monde soit tanné. Là. Quand t'es là, puis c'est toi qui décides les règles, c'est assez facile de dire, tu sais, gars. Yeah. Oui, exactement. Et en fait, pourquoi le taux électoral est si bas? C'est qu'il y en a qui disent, ben, il y a 2 raisons qui pourraient peut-être l'expliquer. D'abord, il y en a qui disent, ben, c'est tout corrompu de façon, les partis qui sont là, il y en a trop de partis. De toute façon, ceux qui ont été là, ça fait même pas 2 mois qu'ils sont là. Puis pourquoi je voterais pour un parti? Ils sont tous corrompus, ils sont tous dans l'armée. Oui. La deuxième, c'est que, OK, on veut pas avoir d'islamistes au pouvoir. Pourquoi? Parce que les islamistes, il y a une 20aine d'années, ont essayé de prendre au pouvoir. Et là, ça a causé une guerre civile. Nous, on veut rien savoir. On veut la tranquillité. On va aller à la Sainte-Paix. Oui, le gouvernement est corrompu, mais au moins. Statu quo, au moins. Il n'y a pas d'autre. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça va pas trop bien économiquement, mais au moins, ça va bien. Puis c'est sûr que s'il y en a qui protestent, ben, l'armée va faire de la répression. Ils vont faire des morts, ils vont battre. Mais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement, en 2011, il n'y a pas eu tant que ça de préparables, de un, les répressions, et de deux, finalement, il y a eu des réformes. Par exemple, on a permis de donner des subventions aux jeunes qui veulent établir leur entreprise, mais également, on a baissé le prix de certains aliments parce que c'était devenu trop cher pour le coût de la vie des personnes. Donc, c'est les élections algériennes, c'est la dynamique aussi fait un petit peu bizarre. Il y a des femmes qui se sont présentées, autant voilées que non voilées, des intellectuels qu'autant des gens moins éduqués, mais on voyait la face de leur mari et non la face des filles. Donc, il y en a qui disent, ben finalement, oui, le gouvernement dit, on aimerait ça faire plus de place aux femmes, plus de place aux jeunes. Et... montrer l'épaule. C'est simple, tout ça. Mais c'est ça, dans le fond, il y en a qui disent qu'on se sort de ça juste pour asseoir les pouvoirs qui sont là depuis très, très longtemps. Mm. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y en a qui disent que le parti des jeunes du gouvernement, c'est des gens âgés entre 70 et limités à 70 ans, et pas plus vieux que ça. Donc, oui, c'est vraiment assez ironique. Merci. Donc, c'est une situation algérienne qui reste dans la stabilité, mais est-ce qu'il va y avoir du changement? Est-ce que ça va s'améliorer? Affaire à suivre. Ça pourrait prendre un bout de temps, pardon. Oui. Bon. Donc, merci beaucoup, David. Tu nous as parlé des élections en Algérie. On pourra faire un petit contraste et une comparaison tantôt avec Simon Fitzbé qui va nous parler des élections en France, lui. Oui, et à cause de ça, ben Carla Bruni va encore faire des disques. Ah, elle va pouvoir retourner à sa carrière de chanteuse parce qu'elle n'est plus la femme du président. Exactement. Est-ce que vous avez diffusé ça, du Carla Bruni? Non, est-ce que tu veux ne pas nous en diffuser? Ah, mais dommage, parce que ma chanson Mystère était... Non, c'est pas vrai. Non, non, mais tu as une pièce à nous présenter, par contre, pour compléter ta chronique. Oui, qui est beaucoup plus palpitante que... Quelqu'un qui m'a dit que... Ah! Sérieusement. Je suis juste choriste, t'as arrêté. OK, il n'y a pas de problème. En fait, c'est un chanteur d'origine algérienne, Rachid Taha, qui est un chanteur très connu là-bas, mais également en France, qui a eu des petits succès ici. Puis il a même fait une chanson avec Gaëtan Russel, qui est en fait le chanteur de Louise Attaque. OK. Louise Attaque. Oui. Son nom, c'est Taha. Mathieu. Je l'ai ri dans mon cœur. Oui, c'est ça. C'est la seule place où ça garde le son à l'intérieur. Exactement. C'est moins déplaisant que mon... Surtout avec ton chandail Chipton, ça te rend attendrissant. Ben, c'est Mario qui trouve ça drôle. Donc, Mario est proche de mon cœur, je pense. Il est tout le temps. C'est Bazur qui est proche de mon cœur, c'est ça? Le cœur, il est par à gauche. Ouais, ouais, il va te le croquer tout cru! Yeah. Mais c'est ça, Rachid Taha, qui est un chanteur algérien et qui a repris une chanson de The Clash qui est en fait Rock the Cage de Casbah, pardon, Rock de Casbah. En fait, c'est quoi la Casbah? C'est souvent considéré dans les pays de l'Afrique du Nord comme des maisons fortifiées ou des, ça dépend des maisons. En fait, une maison, ça peut être même des maisons de fortune, mais pourquoi ça a été fait? C'est que The Clash, quand ils ont fait cette chanson-là, Rock de Casbah, c'est pour parler, en fait, du régime iranien qui interdit toute musique rock. Donc, on s'est dit, ben, on va protester, puis on va dire Rock de Casbah pour, mettons, rocker dans la maison. Un peu comme Casse la baraque, mais Casse le manoir à place. Ouais, exactement. Oui, quelque chose comme ça. Puis Rachid Taha le reprend à sa manière. Ça s'appelle Rock El Casbah. Bon, écoute ça à l'instant. À la vie de croisière d'assemblage requis. Hein? Excellent. Excellent. شيخ وشيخ عاد منهم وعاد منهم بالقيطار على عقرب البندير يضرب Rock la caisse pop! Non, c'est pas ça. C'est ça que j'entends à chaque fois que je l'entends, cette chanson-là, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai que ça sonne. Oui, ça sonne. On sait pas comment le sonner. Même la version de Clash, on sait pas trop comment l'entendre. Mais en fait, comme vous l'avez sûrement entendu, c'était Rock El Kasbah, version remaniée par le chanteur algérien Rachid Taha. Pas mauvais. Pas affreux. Tu sais? J'haïs pas ça. C'est un classique, c'est un peu cliché, la pièce. Oui, oh, c'est sûr. En fait, bien repris. Un peu similaire par moment, mais en même temps tellement différente pendant d'autres moments. Ben oui, c'est ça. C'est, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, ça permet de ne pas parler de Carla. Carla Bruni. Ben oui. Bien sûr. Quelqu'un David Ferron, merci. Ben, ça m'a fait plaisir. Tu vas avec nous un petit peu? Ben, si tu veux. Ben, parfait. Ton chandail chez Ptoon, c'est vraiment trop beau, je reste. C'est ça, il convainc bien des gens d'aimer les jeux vidéo et Mario en général. Mais en. Donc, on prend une petite pause et on revient avec plein d'autres chroniques plus tard dans l'émission. C'est la vie de croisière d'Assemblage requis. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. Vous êtes à bord du SS Requis. Attention au requin. Numéro 17. We'll be right back. Comme une course sans bord d'un ravin. La pièce de souvenir en mitraille stable en 15e place franco. C'est là depuis 6 semaines sur l'album L'heure et l'endroit. Avant ça, on a entendu Les Revenants avec La candeur d'un inconnu. Ça, c'est stable en 16e. Et on a débuté avec Marie-Pierre Arthur et Emmène-moi qui monte de 2 places et qui était nouvelle la semaine passée en 19e place francophone. Voilà pour ce bloc du palmarès franco. David Ferron qui est toujours avec moi, nouveau co-animateur presque de l'émission. Ben oui, ça me fait plaisir. Surtout que j'ai eu l'occasion de voir ton chandail et d'écouter de la très bonne musique francophone. T'as l'air obsédé par mon chandail. T'écoutes en parler, tu ne parles que de ça. Oui, je sais. J'ai des fixations des fois, mais c'est surtout la musique francophone que tu veux vraiment. Le décompte, c'est fou. Faut l'écouter attentivement parce qu'il y a plein d'artistes, je suis sûr, qui sont émergents, mais qui vont ressortir et qui vont devenir très populaires. Ben, on ne saurait pas de noyer personne là-dedans. Là. Ben non. Ben non. Ben non, même si on est en croisière. Là. Ah ouais, en bas, David. Ah ouais, en bas. OK, OK. Non, non, reste là, reste là. Okay. Donc, Jasmine va revenir tantôt à l'émission, mais comme elle n'est pas là et qu'on doit continuer les choses, le plan doit continuer, sinon on va manquer de temps. On va y aller avec la chronique, c'est un fait, ça te va? Oui. Bon, regarde-moi ça, comment les oiseaux sont de plus en plus près. Ah, non, pas encore. Un mot là. Ah! Ça y est. Les mouettes ont sévi. Je pense que t'as une phobie des oiseaux, David. Ben, ils sont tous en train de m'attaquer. Je suis comme un personnage dans Les Oiseaux de Hitchcock. Hey, ça, c'était pas... Oui, okay. Comment un réalisateur a pu faire un film avec des moineaux? Absolument, là, quand tu dis « Ah, mais c'est l'histoire des moineaux qui attaquent du monde », absolument, tu fais « Ah, film de série B », tandis que là, t'as peur. T'as vraiment peur. Et comme on dit dans les films, tu travailles pas avec des enfants ni avec des animaux, tu sais. Fait que je sais pas s'ils sont par ordinateur ou c'est des faux, mais il me semble que ça fait ben trop longtemps pour que ce soit fait par... Non, je pense qu'il y en a des vrais. L'actrice a l'air qu'elle a vraiment été attaquée par des vrais oiseaux. Pauvre elle. Donc, c'est un fait. C'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et en plus, cinématographiques des fois. Oh! Donc, commençons par, justement, drôle hasard total, David, mais on commence avec un fait sur les oiseaux. Pas vrai. Je te le jure et c'est même pas prévu. C'est le premier dans ma liste. Savais-tu que le, tu sais, quand il y a eu le dégât du Exxon Valdez, là, tu sais, l'huile, le pétrole qui était déversé par erreur en 1989, ça a tué 250 000 oiseaux. Et on dit, et là, le fait est très, très disputé par les commentaires en bas de gens qui ne le croient pas, mais bon, ça n'a pas été réfuté jusqu'à maintenant. Réfuté. Très fluvien. Ouais. Donc, on dit que 250 000 oiseaux, c'est le même nombre en moyenne qui meurt en fonçant dans les vitres. Hein? Aux États-Unis. Et là, on rajoute non seulement aux États-Unis, mais à tous les jours. Là, je le crois pas, par exemple. Là, à tous les jours, je le crois pas. Je suis sûr que c'est par année, mais en tout cas, on dit 250 000, donc décidez vous-même si vous y croyez ou pas. Ça dit par jour aux États-Unis. Je trouve ça beaucoup. Ben, c'est des oiseaux américains. Enfin, j'aurais pas de misère à le croire. Ils sont trop huge. Ils sont trop fat people pour. Oui. Oui. Ça a de la misère à décoller, ces affaires. Les pauvres. Et les pauvres. Ah, crime, c'est le seul mot que j'ai pas été chercher. J'ai tapé de l'orge, excuse-moi. OK, de l'orge. Donc, le barley, ce qu'on appelle des fois communément, des fois en français, on dit le barley, là, mais ça s'appelle de l'orge. Donc, okay. Le barley ou l'orge, ça contient deux fois plus de gènes que les humains. Hein? Et oui, cela est prouvé par un article sur assemblagerequis.com. Donc, il y a plus de gènes dans l'orge que dans les humains. C'est incroyable, mais c'est vrai. OK. Maintenant, parlons de Terre-Neuve. Une personne sur six à Terre-Neuve dit avoir été violée par un fantôme. Ah ouais. Hein, ben oui, mais ça, c'est ce qu'ils disent. Hein? Ben pour moi, je sais pas, c'est un fantasme, les gens qui s'habillent avec des draps blancs. Là. Ouais, ah, peut-être. Hey, fantasme, fantôme, ça commence pareil. Fait que ça, c'est ouf, ouf, ouf. Peut-être qu'ils sont mélangés. Peut-être. Ou peut-être que les fantômes, en tout cas, c'est curieux, c'est intéressant quand même. C'est curieux, c'est bicurieux tout ça. Le fondateur de Match.com, qui est un site de dating, là, un site d'accouplement, de futur accouplement. Donc, le fondateur de Match.com, Gary Crimmon, a perdu sa copine pour un autre homme, OK, qu'il a rencontré via Match.com. Oh, wow! C'est vrai, ça. Et ça prouve le succès de son site. Exactement, et l'ironie de la chose aussi. Ouais. Maintenant, parlons des Britanniques. Les Britanniques qui mangent 97% de tous les haricots qui sont produits dans le monde entier. 97% des haricots fabriqués dans le monde entier sont mangés par des Britanniques. C'est quelque chose, ça, là. Mais pourtant, ça veut dire que c'est des grands importateurs. Importateurs, exactement. Wow. Bizarre. Ils aiment ça. Ils aiment ça faire des flatulences aussi, je pense, les Britanniques. Mais ils ont le thé pour tout compenser. Ah, ça vient renflouer les coffres. Oui, c'est sûr que les nutritionnistes vont dire « Prenez du thé des haricots, vous allez avoir un régime alimentaire équilibré complet. » Ça a du sens. L'Américain moyen, maintenant, utilise 9 fois plus d'eau que le Britannique moyen. 9 fois plus d'eau. Là, certains commentaires sur le site vont dire « Mais c'est parce qu'ils sont 9 fois plus gros. » Oh! Oh! Tellement drôle, tellement drôle. Mais donc, les Américains qui utilisent 9 fois plus d'eau que les Britanniques, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est peut-être une différence de les grosseurs de leur terrain, de leur gazon. Peut-être, tu sais, des fois, on arrose. Ouais. Peut-être parce que les terrains sont plus gros aux États-Unis. Ça, je sais pas. Ben, c'est vrai que le territoire des États-Unis est beaucoup plus gros. Il y a ça. Mais là, on parle de l'Américain moyen et non pas des États-Unis au complet. Wow. Les gens qui sont ambidextres, es-tu ambidextre? Tu sais, gauche-droite, les deux mains? Non, seulement gaucher. Je te dirais que je fais beaucoup de choses avec ma main gauche. Je suis droitier, mais je fais beaucoup de choses avec ma main gauche. Mais, tu sais, mettons, utiliser des ciseaux, j'aurais peut-être de la misère. T'sais. Mais ça vient avec l'habitude, mais écrire, c'est peut-être difficile aussi. Ben, c'est comme moi, mettons, quand je jouais au soccer, je battais toujours du pied droit. Mm-hmm. Mais je suis gaucher. T'es gaucher. Tu viens directement du diable. Ah! Donc, les gens ambidextres ont deux fois plus de chances, et là, ça va vraiment paraître étrange, deux fois plus de chances d'être bisexuel. Ah ouais? Que les gens qui sont droitiers ou gauchers, je sais pas si dans le cerveau, quand tu peux être de deux côtés, t'es de deux côtés, je sais pas. Aucune. Est-ce que t'as autant de chances d'être neutre politiquement, genre pas à gauche ni à droite, mais au centre? Oh, je sais pas. Hey, mais c'est compliqué la vie. C'est très compliqué, mais c'est des recherches qui le disent. Et le lien est sur assemblagerequis.com pour ceux qui en doutent. Et c'est scientifiquement prouvé. C'est ce qu'ils disent. Selon certaines études, là. Ah! Ça veut pas dire que c'est 100% vrai, mais au moins il y a des études qui. Mais tu sais, les études, c'est facile de leur faire dire des choses, des fois. Ben oui. Devine ce mot maintenant. Pardon, je recommence. La bourborygmie. Bourborygmie. B-O-R-B-O-R-Y-G-M-I. Ça me dit quelque chose, j'ai déjà entendu ce mot-là, mais je me rappelle plus dans quel contexte. Ben, c'est dans le contexte de ton ventre qui faisait du bruit. Parce que ah, c'est des bourborygmes. Bourborygmes. Ouais. Ah oui, des bourborygmes quand ça fait bourborygmes. On aime ça. Ah. C'est très plaisant comme même son. Maintenant. Après les vagissements, les bourborygmes. Après les vagissements. Qui voulait dire quoi encore? Crier, exulter. C'est rien sexuel. Hein? Rien non. Sexuel. Ensuite, les hérissons. Les hérissons peuvent nager. OK? Peuvent nager. Mais Sonic the Hedgehog, dans les jeux vidéo, qui est lui-même un hérisson, ne peut pas nager. Huh. Pied bleu. Pied bleu. Ça va pas bien. Ça va pas bien du tout. Moins de 5% des gens qui sont aveugles ou qui ont un problème de vision au Royaume-Uni. Okay, là, on centre ça vraiment au Royaume-Uni. 5% de ces gens-là aveugles ou à mauvaise vision peuvent lire le braille. 5% des gens au Royaume-Uni peuvent lire le braille. Aux États-Unis, c'est moins de 10% des gens aveugles ou avec faculté visuelle affaiblie qui peuvent lire le braille. Donc, moi, tu sais, je pensais que le braille, c'était la langue que tu apprenais quand tu étais aveugle, tu sais. Ouais, mais d'une certaine manière, ça veut dire que le taux d'analphabétisme chez les aveugles est moins élevé que chez les gens voyants. Tu vois, ça a du sens. Je pense ben que oui, c'est... quand même. C'est comme quand tu penses que l'analphabétisme, c'est quoi? C'est 20 % de la population québécoise? Ça veut dire que 80 % des gens peuvent lire. Mais là, on verse ça à l'envers. Au Royaume-Uni, c'est 5 % des gens qui peuvent lire le braille. Donc, 95 % des aveugles ne peuvent pas lire le braille. Ah, okay. Ils ne peuvent pas lire. Ne peuvent pas lire le braille. Ah ouais, tant c'est que ça. C'est ça qui est difficile à comprendre. Mais bon, j'imagine qu'ils ont, ils ont d'autres façons peut-être. Tu sais, étant donné qu'on est rendu assez avancé technologiquement pour avoir, par exemple, des ordinateurs et des téléphones intelligents de nos jours qui peuvent te lire le contenu d'une page web. Donc, j'imagine que tu n'as peut-être plus besoin de connaître le braille et peut-être que c'est compliqué à apprendre aussi. Donc, j'imagine que ça doit être par avancée technologique que ça donne ça. Mais bref. Plus de gens ont une phobie du vomissement que de la mort. Ah ouais. Oui, la peur de vomir s'appelle l'hémétophobie. La peur de la mort, c'est la thalatophobie. Et la peur des choses mortes ou des gens morts, c'est la nécrophobie. Pis c'est un mort vomi que ça fait. Ah, ben, t'as peut-être un problème, mais il est peut-être pas si mort que ça, tu sais. Okay. C'est qui est encore sauvable. Ouais, j'avoue. Ouais, pas sûr. On sait déjà, là, je dis ce fait-là simplement parce que ben, je suis sûr que vous le connaissez, mais je vous le rappelle, les chances de mourir sur le chemin vers le dépanneur où tu vas aller acheter ton billet de loterie, t'as plus de chances de mourir en allant chercher ton billet que de gagner la loterie. Si on savait ça? Non. Plus de chances de te faire tuer sur le chemin que de gagner la loterie. Par contre, on dit que statistiquement parlant, t'as plus de chances d'être tué par un bouchon d'une bouteille de champagne que par une araignée empoisonnée. Ah ouais? Tu sais? Excuse-moi. Ridicule, mais c'est ridicule. J'aime ça. J'aime ça des faits ridicules. Ouais. C'est divertissant. Très divertissant. OK, c'était la fête des mères la semaine passée. C'était quoi? C'était samedi, dimanche passé? Dimanche. La fête de semaine passée. Dimanche passé. Parfait. Donc, en l'honneur de la fête des mères, voici quelques faits sur les mères. D'accord. Donc, la première célébration de la fête des mères dans toute l'histoire connue, l'histoire qui a été préservée, ça vient de la Grèce antique. Mmh. Il y avait un festival printanier dédié à Rhea, R-H-E-A, qui était la mère des dieux. OK. Mmh. La version moderne de la fête des mères a été observée en 1907. Anna Jarvis a débuté une campagne d'écriture de lettres pour reconnaître la fête des mères, quelque chose qu'elle voulait faire pour rendre honneur à sa mère qui était décédée. Le Congrès américain a officiellement reconnu la fête des mères en tant que fête célébrée officiellement en 1914. En 2009, on estime qu'il y avait 85,4 millions de mères aux États-Unis. Uh-huh. Juste au-dessus de la moitié des femmes de 15 ans à 44 ans sont mères, entre 15 et 44 ans. En 2008, l'âge moyen, d'une mère, de la première naissance, pardon, première naissance qu'une mère fait, donc, est de 25,1 ans, ce qui augmente, donc, par rapport à l'année précédente, en 2007. Le nombre de mères qui restent à la maison chute depuis quelques années. C'est passé de 5,3 millions en 2008 à 5 millions en 2010, donc, le nombre de mères qui restent à la maison. Anna Jarvis, dont on parlait il y a quelques secondes, a regretté d'avoir commercialisé la fête des mères parce que c'est devenu beaucoup trop gros. Et puis, elle a passé le reste de sa vie à se battre contre cette fête-là en disant qu'on ne devrait pas célébrer la mère, sa mère une fois par année, mais à l'année longue. Ça, ça a du sens. C'est un peu comme la Saint-Valentin, je pense. Bon, oui. Et c'est ça, pour la liste de faits sur la fête des mères. Wow. C'est beau, hein? Et, mais, vas-y. C'est vrai, c'est important de souligner nos mères. Tu sais, on ne se rend pas compte à quel point être mère, ça a l'air d'être dur comme job. Ouais. Ben, autant que ça peut apporter des bons moments, mais c'est beaucoup de responsabilité d'être maman. Regarde le maire. Ah, t'as dit maman. J'allais faire une joke sur oui, le maire. Oui, les mères, mais oui, être mère. Les mères, les mères. Hey, on va prendre une petite pause musicale pour se dédier ça à la fête des mères. On revient avec d'autres faits tantôt. Pour l'instant, Gatineau nous parle des mères dans la pièce Mother Lover. Et écoutez très bien les paroles parce que c'est quelque chose. Ah oh! Reflète des miroirs et plus de flétrisseurs. Une Gabrielle Azul, mec un peu plus sûr. Ça se voit tout de suite que t'es sa progéniture. Sortir avec toi, c'était mon projet initial. J'ai rencontré dans un souper familial. Tout de suite trouver un petit quelque chose de spécial. Pour ça, mon nouveau look, alléluia. Pourquoi tu penses que je suis toujours après elle? Monsieur de faim, suite d'avoir la vaisselle. Allez, prodigie, la ville char. Sortir le recyclage ou les vidages qu'un char. Aussi loin, je me rappelle. Tripé sur mes profs, toujours été jaloux d'Offman pis Bancroft. The Broadway, c'était mon film de chevet. Et je me dis qu'un jour avec ta mèche de vrai. de Georges Bataille. À côté moi et Francis Martin et je spot Thaïs et son Louis Garrel, elle, Isabelle Huppert. Je serai à la fois ton amoureux, ton chum, ton père. Si Jacques la mère a pressenti toute la fille, je vais quand même rester un membre de la famille. Je rêve d'elle la nuit dans mon lit quand je m'abris. Je fais tout pour qu'elle me remarque, pour que je brille. Pense qu'au karaoké, l'autre fois c'était fly. Quand j'ai chanté Cœur de rock, Cœur de Julie et Fly, que c'était pour elle, c'était pour elle, c'était pour elle, c'était pour elle. Mother Lover de Gatineau. On va lire un petit peu les paroles juste pour se divertir un peu parce qu'il chante vite, le gars. Je vous laisse écouter ça. Elle a à peu près ton allure, mais en plus mature. Même reflet d'un miroir, plus de flétrissure. Une Gabrielle Lazure, mais avec un peu plus d'usure. Ça se voit tout de suite que t'es sa progéniture. Sortir avec toi, c'était mon projet initial. J'ai rencontré dans un souper familial. Tout de suite, trouver un petit quelque chose de spécial. C'est pour ça mon nouveau look à la Léo Lilial. Je sais pas c'est quoi. Léo Lilial, c'est un acteur québécois qui s'est illustré dans des émissions de téléromans dans les années 70-80, je crois, si je me trompe pas, là. Donc, j'accompagne ta mère dans les commissions chez IGA. J'accompagne ta mère à la quincaillerie chez IKEA. C'est ma Fabienne. C'est ma Fabienne Tabard. Je suis un émule du roman Ma mère de Georges Bataille. Eh ben, bref, allez voir les paroles sur assemblagerequis.com de Mother Lover par Gatineau. Alors qu'on continue notre chronique, c'est un fait avec quelques petits faits sur le corps humain maintenant. Oh! Oui. Les femmes ont la peau plus pâle que les hommes dans toutes les populations humaines, toutes les races. C'est comme ça. Les scientifiques, originellement, ont fait cette découverte, cette observation, avant que la science moderne puisse déterminer pourquoi. On a depuis prouvé qu'en moyenne, les hommes ont la peau plus sombre, plus foncée que les femmes, donc. La différence est surtout à cause des niveaux de mélamine dans la peau, dans les cheveux et dans les yeux des hommes. Les hommes ont aussi la peau plus rouge parce qu'ils ont un plus grand volume de sang, volume sanguin que les femmes. Les femmes ont les cheveux plus blonds en moyenne et plus les yeux plus verts et bleus. C'est à cause du plus faible niveau de mélanine, là aussi. Les scientifiques... C'est ça. Ça dit aussi, attends un peu, que les scientifiques ont noté la différence dans les couleurs de peau qui sont plus prononcées dans les populations qui ont... j'ai de la misère à traduire le reste, mais bon, quand même. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Bon. Ton pouce et tes doigts n'ont pas de muscles du tout. David, il n'y a pas de muscles dans tes doigts. Ah non? Non, c'est vrai. On peut se demander donc comment ça fait qu'on les bouge. Eh bien, c'est presque par télécommande. Donc, ça dit que le cerveau, c'est ce qui contrôle tout, évidemment, mais les doigts sont spéciaux parce qu'ils n'ont pas de muscles. Les doigts sont bougés par les tendons qui sont tirés par les muscles de l'avant-bras. C'est pour ça que quand tu étires tes doigts, tu peux sentir les muscles dans ton avant-bras bouger. Ouais. Les muscles dans l'avant-bras et la paume sont connectés aux doigts sont connectés aux os des doigts par des tendons flexibles. Et donc, c'est pour ça que ça peut bouger. Ça dit que c'est pour ça qu'on peut souvent pas bouger son petit doigt sans faire bouger l'autre doigt qu'il y a avant. C'est quoi l'autre doigt? C'est le... C'est pas l'auriculaire. L'annulaire, le petit auriculaire. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça. C'est que les muscles sont opérés un petit peu comme une marionnette. Le nombre de muscles total dans la paume de la main est de 17 et 18 dans l'avant-bras. Voilà. Donc, c'est ça. Les parties du corps qu'on utilise le plus souvent, pour la plupart, n'ont pas de muscles. Je sais pas, je sens toutes mes mains molles, d'un coup ça me trouble. C'est parce que t'as trop bougé tes mains pendant que je parlais. Là. Ouais, c'est ça, je vois plus mes doigts de la même manière. Non. Les émotions négatives peuvent endommager le système immunitaire. Ouais, c'est vrai. Vous avez peut-être entendu parler que la dépression peut causer des douleurs physiques. Eh bien, c'est vrai, c'est que les émotions ont un profond effet sur notre bien-être. On dit qu'à avoir des bons sentiments, ça peut aider à soulager certains problèmes dans le corps. On parle du syndrome du VIH jusqu'au rhume. Quand même, ça va loin. On a prouvé qu'une vue négative de la vie peut souvent faire que ça va prendre plus de temps à se remettre d'une maladie ou d'une blessure physique. Selon Martin Seligman, un expert dans la psychologie positive, il y a quatre choses qui affectent notre santé et sur lesquelles on a un contrôle. C'est la cigarette, l'exercice, la diète et l'optimisme. Selon Seligman, l'optimisme est aussi important que les trois autres, même si les scientifiques ne comprennent pas nécessairement les mécanismes biologiques, donc comment ça fonctionne tout ça. Ils disent quand même que les émotions négatives peuvent augmenter le niveau de cortisol dans le corps, ce qui dérange un peu le système immunitaire, ce qui fait que c'est difficile de récupérer. Ben, c'est parce que ça gruge d'énergie être négatif, puis même les gens qui sont négatifs nous grugent de l'énergie. C'est tout à fait vrai, je suis bien d'accord avec ça. Il y a un désordre qui s'appelle le sort de Ondine, O-N-D-I-N-E, qui fait que les gens ne sont pas capables de respirer involontairement. Donc, ils doivent absolument contrôler leur respiration. Ils peuvent pas le. Tu sais, d'habitude, on respire sans s'en rendre compte. Là. Donc, ils sont pas capables. Donc, ils sont obligés de se forcer à respirer. Et puis, c'est ça. Et ça dit qu'un enfant sur 200 000 naît avec ce désordre-là. L'histoire dit, ça s'appelle souvent Primary Alveolar Hypoventilation, hypoventilation alvéolaire primaire, j'imagine. Et puis ça arrive dès la naissance, et ça peut aussi arriver à cause d'un traumatisme au cerveau. Il n'y a pas de cure connue. Parmi les meilleures conditions, on parle d'une trachéotomie, c'est-à-dire faire un trou dans la gorge et puis placer un tube qui va permettre à l'air de rentrer par le nez ou par la bouche. Et puis, c'est ça, donc porter un gros appareil, surtout pour la nuit, parce que le reste du temps dans la journée, il faut qu'il s'habitue à respirer, j'imagine, par lui-même. Oui, mais quand tu fais un sport, n'importe quoi, ça veut dire qu'il faut que tu changes de rythme de respiration. Et voilà. Mais j'imagine que tu dois pouvoir avoir une machine avec toute la journée, j'espère, en tout cas. Ouais. Sinon, tu vires fou un petit peu. On dit que malheureusement, ce désordre-là, on y survit rarement. Et voilà. Donc, il y a plein d'autres détails sur la source. Sur assemblagerequis.com. Il y a un gars d'ailleurs, un petit garçon sur la photo, sur l'article, qui lui-même a ce désordre-là, donc allez vous renseigner sur lui. Un autre désordre mystérieux, c'est une fille qui spontanément saigne de partout. C'est une fille en Inde, Twinkle Dwivedi, qui a un désordre étrange que les docteurs ne comprennent pas. Elle perd du sang à travers sa peau, sans avoir aucune coupure, sans se graffiner ou rien. Et elle ne fait pas que saigner un petit peu. Hein, elle saigne beaucoup et il faut qu'elle ait des transfusions sanguines parce qu'elle perd trop de sang par ses yeux, son nez, ses cheveux, cou et même en dessous de ses pieds. Puis est-ce qu'ils ont trouvé le pourquoi? Non, les docteurs sont vraiment... Ils peuvent pas déterminer pourquoi. Ah ouais. Elle dit par contre que le saignement ne lui fait pas mal. C'est juste beaucoup de choses à ramasser et que ça lui fait peur. Ça l'isole évidemment des autres enfants. Sa mère cherche une réponse désespérément. Et les docteurs disent que c'est un désordre rare, peut-être de caillots de sang. C'est ce qu'ils pensent que ça pourrait être, mais ils sont pas sûrs. Et puis c'est ça. D'autres, évidemment, croient que c'est la mère qui frappe son enfant ou là-bas ou quelque chose du genre, que ça fait que ça coule de partout. Mais je pense que c'est un petit peu... difficile à croire, étant donné qu'il n'y a pas de marque sur sa peau, c'est vraiment juste du sang. Okay. Ensuite, un homme a été frappé sur la tête avec une batte de baseball, mais en fait avec une balle de baseball, et depuis ce temps-là, une mémoire surhumaine. C'est en 1979, Orlando Cerrel, qui avait 10 ans à ce moment-là, il jouait au baseball, il s'est fait frapper sur la tête avec une balle, il est tombé par terre. Après s'être relevé, il est retourné jouer et n'a jamais dit à ses parents ce qui s'était passé. Depuis ce temps-là, par contre, il leur en a parlé, mais il n'est jamais allé voir le docteur. Il disait qu'il y avait des maux de tête pendant de longues périodes et éventuellement, ces maux de tête-là s'en allaient. Il a réalisé que sa blessure à la tête lui avait donné une habileté, ce qu'on appelle les calculs, en anglais, calendrical calculation, donc les calculs par rapport aux dates de calendrier. Donc, c'est ce qu'on appelle un acquired savant, donc un savant acquis. Ça veut dire qu'avec le temps et avec cette blessure-là, ça lui a fait, ça fait qu'il est capable de dire n'importe quelle date était quel jour de la semaine ou des trucs comme ça dans un calendrier, même des années. Quand même. Juste par calcul comme ça, mathématique dans sa tête. Il peut se rappeler de la météo. De chaque jour depuis son accident. La météo exacte de chaque date depuis 1979. Et excusez, il y a quel âge, le gars? Bonne idée, bonne question. En 1979, il y avait 10 ans. OK, ça faisait à peu près une trentaine d'années, 45 ans, environ. Peut-être, ouais, à peu près. Dans ces points-là, je vais te faire confiance. évidemment, les journaux et les médias se sont intéressés à son histoire. Et en 2002, il a participé à l'émission Dateline. Donc, vous pouvez sûrement retrouver les vidéos de cette entrevue-là sur Internet. Il a été invité à l'Université de la Colombie pour faire des examens sur son cerveau. Et puis, c'est ça, on dirait que ça n'a rien donné parce que ça n'en parle pas dans l'article. Voilà. On parlera de d'autres faits la semaine prochaine dans la chronique C'est un fait. Pour l'instant, c'est la fin de la première heure. Hein? Déjà? Je prends mon temps avec des chroniques longues quand il n'y a pas personne à l'émission. Mais c'est intéressant. Mais merci beaucoup. Alors, on va revenir tantôt, on va avoir plein de bonnes choses pour vous à l'émission. Il va y avoir entre autres Mathieu Roy et sa chronique nautique qui devrait s'en venir dans quelques minutes. Ah ouais, on a hâte de baigner avec Mathieu. Ça a l'air logique comme ça. Mais... ouais, mais c'est une manière de parler. On aura aussi la chronique de Simon Fitzbé et de DJ Catardi, entre autres, qui Bergeron s'en vient aussi avec tout plein de sujets. On va parler de plein de choses, mais pour l'instant, une petite pause et puis on revient à la vie de croisière d'assemblage requis. Restez là. Yippie. Vous êtes toujours à Assemblage Requis et la vie de croisière d'Assemblage Requis pour la semaine du 14 mai 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est David Ferron. Oui, en remplacement de Jasmine Raymond-Dréville, temporairement au moins. Oh, et elle va revenir, en tout cas, j'espère. On lui donne 5 minutes, sinon c'est toi qui prends place. Je sais pas, c'est une grande place de co-animer avec Mathieu Plante quand même. C'est un honneur. Quel honneur, oui, oui. Oui. Il y a pas grand-chose qui bat ça, là. C'est rencontrer le pape, peut-être. Puis pas entendre Carla Bruni faire de nouvel album. Genre, c'est top 3, là, facile. Oui. Bon. Donc, cette semaine à l'émission, on écoute le palmarès francophone pour la période du 14 au 27 mai 2012. On va se donner un petit coup de palmarès tout de suite en écoutant Ariane Moffat, tantôt avec L'Homme dans l'automobile. Alors, on va sauter par-dessus Lisa Leblanc. Oh, triste, triste, triste. Alors, on débute avec Salomé Leclerc en 14e. Ça descend d'une place. Voici Partir ensemble. Ah, c'est fou. 89 FM. Yay. Yay. Lisa Leblanc, oups. Désolé. Ben là. C'est vous qui décide. Est-ce que vous êtes corrompu? Pas mal, hein? Libéral. Pas mission. Si on partait ensemble, quand se lèvera le vin, on pourrait faire la route sans. Que l'on tangue, je te montrerai comment on garde l'équilibre en se balançant. Si la nuit cache nos pas, c'est plus facile de voir. Si on nageait ensemble, quand se glaceront les eaux, quand on portera l'hiver sur le dos, tu me diras que l'on tremble. Moi, je soufflerai les mots qui réchaufferont la plage de ta peau. Si la nuit cache nos pas, c'est plus facile de voir. Si ma vie porte sa croix, c'est plus facile d'y croire. Ensemble. Alors, c'est parce qu'elle entendait, et puis je dis qu'en J'essayais de... Ariane Offat et l'homme dans l'automobile, position numéro 12, ça monte de 6 places, c'était nouveau la semaine passée sur l'album Ma. Et David et moi, on en parlait, je sais pas si c'est le troisième ou le quatrième extrait de cet album-là, mais Caroline, que ça en fait beaucoup. Hein. Oui, elle tourne et elle tourne. Encore et encore. On a eu entre autres Mon corps et Too Late. La pluie et le beau temps, je suis pas sûr. Non, en effet. C'est celle que je déteste, celle-là. Je l'aime pas. Mais tu l'as fait jouer tantôt. Oui, je le sais, mais finalement, je commence à bien l'aimer. OK, après plusieurs écoutes, là, oui. Ça s'en vient. Donc, Mathieu Roy qui vient d'arriver en studio. Bonjour. Et oui, tout frais arrivé de mon canot. J'ai débarqué en studio. Et aujourd'hui, le grand sujet, c'est la hiérarchie navale au sein d'un bateau. Parfait. On en parle dans ta chronique nautique. Attention, attention, Gilligan. Voilà tout le nostalgie, un peu mélancolique. Jouant Robinson Crusoe au bord du Pacifique. Le capitaine et son bateau dépenseront pour eux. Des trésors d'imagination pour aider et dérateurs. Ni gare, ni, ni salle de bain, pas le moindre confort. Et pas non plus de quoi qu'on chante, ni de voiture de sport. Vous me direz, c'est la plus longue intro de tous les temps. Je vous dirai, ça vaut la peine parce qu'elle est bonne en tabarnouche. Elle mène bonne humeur. Elle mène bonne humeur. Et oui, la joie est remplie dans nos cœurs. Et voilà, nous sommes prêts. Allons de l'avant. Grâce voile déployée. Allons vers l'est. Ou l'ouest. Wow, hein? Justement, parlons-en de ces affaires-là, de termes nautiques que je comprends pas. Nord, sud et ouest, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des points cardinaux géographiques, je dirais. Ah ouais? Ah, ben dis-moi plus. Et qui s'appliquent sur Terre comme sur la mer. Non. Eh oui. Arrête. Et oui. La grande différence, c'est vraiment les nœuds qu'on va utiliser comme unité de vitesse. Je comprends rien à ça, les nœuds. Tout d'abord, ça vient de knots, en anglais. Okay. C'est eux qui ont calculé ça comme une distance. C'est tout simplement qu'en prenant une corde, en faisant un nœud à une certaine distance bien exacte, tu es capable de calculer ta vitesse en laissant un point mort chuter de ton navire. C'est comme ça que vient l'expression de calculer en nœud. OK, mais maintenant, on fait plus ça comme ça. J'imagine qu'il y a des machines à bord. Il y a un speedomètre, un nodo vitesse-omètre, je sais pas. Ouais, en tout cas, le terme pour calculer la vitesse. Mais c'est ça, c'est le même principe. Il y a sur l'hélice arrière, ou tout dépendant le nombre d'hélices que le bateau va avoir, il va avoir un calculateur pour le RPM, les revolutions par minute de l'hélice, et il y a un calculateur qui, lui, calcule le nombre de nœuds sur lesquels on avance. Parce que la grande différence, c'est qu'on peut avancer plus vite, mais comme le courant peut être de face ou de dos, la vitesse réelle est différente que la vitesse du bateau. Il y a deux vitesses en nœuds qui sont calculées présentement sur un bateau. C'est ça la grande différence. Oui. Fait que le nœud est une distance de 1000 marins qu'on est supposé calculer en une heure de route. OK, mais le marin et le nœud, c'est pas la même chose. Des fois, on entend ces deux termes-là. C'est équivalent, mais il faut savoir les calculer, tout simplement. OK. C'est ça, la différence est là. Un bateau de plaisance, de tourisme, va aller au maximum de 10 à 12 nœuds. Comme le tien, ça, c'est celui où tu travailles? Oui, celui-là, lui, il est un peu plus lent dû à son âge. OK. On parlera pas de lui dans son dos de même, ce bateau-là. C'est quand même une exclusivité. Ce bateau-là est le dernier bateau arrivé à être encore en fonction au Canada. Au lieu d'être une structure soudée, complète. OK. C'est des rivets qui vont tenir vraiment le bateau ensemble. Ce sont des rivets. Donc, c'est pour ça que c'est un bateau qu'on peut pas utiliser l'hiver, dû au fait qu'il défonce, tout simplement. Les glaces vont être trop fortes, ils vont compresser. Eh ben. Parce que le Louis Joliette, très peu de personnes le savent, mais en 1970, il a échoué sur le fleuve Saint-Laurent. OK. Ouais, il a été réparé et il a été remis en fonction. Et puis, depuis ce temps-là, il n'y a pas eu d'accident. Non. On a pas eu une souche une fois de temps en temps. Là. Ça arrive. Mais rien de tragique. Là. Non, c'est ça. Mais déjà qu'il y a moins de portage sur le fleuve Saint-Laurent qu'avant, c'est déjà moins pire pour ça. C'est plus les accidents qui se retrouvent là. Mais ça reste quand même un danger parce qu'une petite embarcation, si elle pogne une souche, c'est vrai qu'elle défonce complètement avec la vitesse d'entrée. C'est fatal. On peut faire couler un navire seulement qu'avec un rondin. Ah. C'est vrai. Donc, notre sujet principal aujourd'hui, c'est la hiérarchie dans les bateaux. On a hâte de savoir c'est quoi la différence entre un capitaine matelot et tous les autres noms que je ne sais pas par cœur. OK, on va commencer à partir de la timonerie. Comme vous savez, je vous en ai parlé la semaine dernière, c'est le lieu où le capitaine conduit le navire. Ouais. Son bâbord, son tribord, c'est là qu'il s'oriente. C'est comme sa cabine, si on veut. C'est ça, la roue, tout ça. Tout se trouve là. Le capitaine, lui, il va avoir 4 barres et ils doivent être jaunes absolument. 4 barres jaunes sur son bras? Sur le côté ou sur le dessus de l'épaule? Sur l'épaule. OK. Tu sais, les chemises marines, c'est ceux-là qui ont la petite languette qui va remettre par-dessus, là, okay, avec le bouton. Je sais pas comment ils appellent ça exactement. J'ai le mot brassard, mais brassard, c'est vraiment au bras que ça va. Fait. Okay. Mais c'est pas le bon terme, mais c'est sur le dessus de l'épaule, ceux-là. Et ensuite, il y a le premier maître, qui, lui, est la personne qui va appliquer les ordres du capitaine. Techniquement, le capitaine ne conduit jamais le navire. OK. Il ne touche pas à la barre. Il va le faire parfois dans un petit bateau, mais le capitaine ne touche jamais aux instruments. Absolument. Je savais pas ça. Le premier maître est celui qui l'applique et qui retransmet les ordres. Plus le bateau est gros, plus il y a d'employés, plus il va avoir une gradation, une hiérarchie pour que Paul. Tu sais, c'est vraiment, c'est très, très, très organisé, un bateau. Ensuite, il va y avoir le chef matelot. Le matelot est tout simplement quelqu'un qui travaille sur le bateau. Il peut être aussi bien à l'entretien ménager comme aux amarres. Les amarres qui sont les cordes qui sont lancées pour attacher le bateau au quai, mm-hmm. pour s'assurer qu'il ne part pas pendant qu'on les gens débarquent. Donc, quand on dit « larguer les amarres », ce terme-là, ça vient de là. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, c'est le matelot qui fait ça. Puis, il y a le chef des matelots qui, lui, va avoir 2 barres, jaunes toujours. Et vous avez le simple matelot, le bas de la hiérarchie navale. Le Gilligan de la place. C'était ça, il était matelot, non, je crois? Oui, le Gilligan était... Ben, tel quel était premier maître, parce que le capitaine était le gars avec les cheveux blancs, un petit peu avec la belette. Bedonnant, oui. Oui, mais c'était Gilligan qui conduisait. Ah, ben, Colin, hein, tu me bats là-dessus. Il me bat. Il était important, Neil Gant. Ouais. Ouais, mais ils ont aussi échoué. Ouais. Bon, détail. Il a fait une gaffe, tout soudainement, c'est tout ce dont on se rappelle. Ouais. Ouais, ça permet une série culte. C'est ça. Oui, mais grâce aux deux filles. Surtout. Marianne. Marianne et la top Ginger. Modèle. Ginger. Gingembre. Oh, ouais. Que de bons souvenirs d'époque. C'est incroyable. Les petits vieux sont tellement underrated. La personne parle d'eux autres. Oui. Puis ensuite, comme je vous ai dit, il y a les couleurs. Les jaunes sont les membres d'équipage du bateau. Uh-huh. Vous avez les barres blanches qui sont le service d'hôtellerie. OK. Donc, tout ce qui... Et ils ont la même hiérarchie, bien différente. C'est sûr et certain que ça va être un gérant du service de la restauration, par exemple, qui va avoir 3 ou 4 bars. Et ça, ben non, ils peuvent pas avoir 4 bars, c'est vrai. Parce que 4 bars, c'est réservé pour le personnel du bateau. C'est pour le capitaine okay. seulement. Il y a aucune personne qui est supérieure au capitaine, peu importe le poste où elle occupe. C'est le big boss. Le capitaine est l'homme en charge de tout sur le navire. Il est en charge de même ceux qui s'occupent de la restauration, les ouais. trucs. OK. Oui, s'il donne un ordre, c'est lui. OK. Puis il n'y a pas moyen de. On bargaine pas avec lui. Non, non, non. Pas de marchandage. Puis habituellement, ils sont pas assez. Ils sont pas très dans les. Dans les négociations, là, c'est okay. un peu comme le gouvernement Charest, je veux dire. Ah ouais. On voit que t'as ton patron en très haute estime ici. Il cuit, j'écoute pas, non? Non, il est super social. Ben, il a un sens de l'humour assez particulier, je dois okay. avouer. Ben, il y a deux capitaines sur le Louis-Joliette. Il y a M. Dufour et Marek, qu'on appelle. Ça se fait, ça? Vrai. Deux... Ouais, mais ils sont jamais ensemble. C'est juste qu'ils ont le droit des journées... Ouais, okay. c'est ça, ils ont des journées de congé, là, malheureusement. Ben, c'est ça. Ben, y en a un qui est plus âgé, puis l'autre qui est plus jeune un peu, il a commencé. C'est le fun parce qu'ils ont deux dynamiques très différentes. Il y en a un qui est hyper souriant, il est à l'écoute, il se promène partout sur le bateau, il conduit très très peu, il donne ses ordres au premier maître pour qu'on fasse le tour, puis c'est tout. Là. Tu le vois pas jamais dans Timonerie, il se promène. Tandis que l'autre, il est là, il conduit, le premier maître fait presque rien avec lui. Fait que c'est quand même drôle, ils ont chacun leur manière de fonctionner, puis ça change vraiment la dynamique. Là. Mais c'est le fun, c'est une belle ambiance. Puis tous les bateaux doivent être construits sur le même principe d'un point de vue hiérarchique pour l'organisation du travail. Fait que c'est comme ça que ça travaille. Eh bien, c'est intéressant ça. J'aime ça en savoir plus là-dessus. Je vais sûrement pas retenir tout ce que tu as dit là. C'est normal, c'est normal. On est à l'école pour ça. Et voilà. On te le redemandera chaque semaine, non, c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, c'était la hiérarchie des bateaux. On aura un autre sujet de nautique la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, on va arriver avec un autre sujet. Je vais travailler ça. Je pense qu'on va peut-être pouvoir développer une thématique un peu plus vraiment concrète. Peut-être parler de la rivière Saint-Maurice, les choses, activités nautiques, peut-être plus générales. Ouais, okay. Qu'est-ce qu'on peut pratiquer sur le fleuve Saint-Laurent? Je pense qu'on allait faire une simulation de chacun des rôles nous-mêmes dans le studio, puis essayer de... Non? Avec notre beau hublot devant nous et avec les gens qui nous saluent de leur île déserte tantôt. C'est quelque chose. Ouais. Ah, le bleu, justement! Salut, île déserte! On va venir te sauver peut-être la semaine prochaine, on verra. Profite-en, c'est le fun, l'île déserte, c'est une fois de temps en temps. Ben, c'est de là tout le plaisir est. De là tout le plaisir est. Oui, oui. Ben, vous pouvez parler à Jasmine, j'ai un talent incroyable pour la création de proverbes qui sont pas vrais. C'est vraiment génial. Ah, excuse-moi, ouais. J'avais fermé ton micro, Jasmine. Correct, je parle plus. Ça va? Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Est revenue, Jasmine, en passant. Ben oui. She's back. Mm-hmm. She's back. Ouais. Non, merci, Mathieu. Toujours un plaisir. Tu restes avec nous si tu veux. Non, beaucoup moyen. Beaucoup d'occupations, je te dirais. Ah, quand on fait 4 jours semaine à l'AGE, on s'arrange pour faire tout ça en 4 jours. Comment tu fais pour travailler à l'AGE alors qu'il était sur notre bateau en tout temps? Ça, c'est un autre mystère de la vie. Oui, hein? Je comprends rien. Télépathie. Télémarketing. Oh, oui. Tout ce qui est télé, à distance, de, je l'ai fait. C'est une belle wow. diagonale de 50 pouces, je trouve. Hein? Pardon? OK, ça marche pas, ça, hein? Ouais. Ben moi je la comprends, ouais, c'est ça. T'es pas assez évolué, David. Là. Faut que tu te demandes un niveau là, la blague du jeu de mots, c'est quand même c'est très important. Là. Hein? C'est la structure même d'un bateau en même temps. C'est peut-être parce que ça, je m'en fous. Ah, oh. T'es jaloux, David, jaloux de la diagonale de 50 pouces de Mathieu Roy. Bon. La quoi? Hein? On passe à un autre sujet. Merci beaucoup. Merci, Mathieu. Plaisir. À la prochaine. On va continuer avec du palmarès un petit peu. Question d'écouter du Daran et du Reine de France. Mais pour l'instant, voici Chinatown qui monte de 9 places en 11e. Ça, c'est ça. C'est culpabilité. C'est ça. Je me sens coupable, mon jeu de mots. Hein? Comment? Pourquoi ton jeu de mots? Oh, on l'a manqué. Si on répète le jeu de mots une troisième fois, il va perdre tout son charme. Mais il devait pas être très charmant déjà, là, je te l'annonce. Peux-tu le répéter, s'il te plaît? Non, merci. Ben là, okay. C'est Jasmine est assez difficile, je crois. Oh, mais si tu passais 4 heures par semaine avec lui et ses jeux de mots... Non, Jasmine, c'est une fille qui a du goût. Mais je la pratique, Jasmine, dans sa tolérance. Là. Elle passe un bon bout de temps avec moi à l'AGE. Ouais. Ah non, la pauvre. Oh, qu'est-ce qu'on allait écouter? T'as du toupette, là, Jasmine? T'as du toupette. Elle a un nouveau toupette. Ouais. Il est beau, ton toupette, Jasmine. Merci. Vous écoutez la vie de croisière d'Assemblage Requis sur C'est Fou. Numéro 10. Qui s'arrache, et dans le verre, se balaye dans les fleurs. envie d'écouter. J'aurais tant voulu t'écouter. Une nuit à marcher dans tes pas. J'ai perdu de vue, ne m'en veux pas. Mon cœur se battait contre toi. Je continue, je n'ai pas le choix. Ton visage dans mes mains. Et mon cœur contre le tien. Comme j'avais peur, comme j'avais froid. Car l'un battait et l'autre pas. Ça finira dans un bain de sang. Ça finira dans un bain de sang. Numéro 9. Stopper notre jeunesse. La nuit nous a pris de vitesse. Il n'y aura plus d'insouciance. Il faudra passer au travers. Renoncer à l'adolescence. Et mordre parfois la poussière. Ils ont stoppé notre jeunesse. La nuit nous a pris de vitesse. Les plus valeureux d'entre nous pleuraient la mort de Kennedy. D'autres pleuraient un amour fou. Chacun versait un peu de vie. Toute ma vie. Hey, David et Jasmine n'arrêtent pas de se battre à chercher les animaux les plus cute du monde. Une loutre, c'est attendrissant. C'est adorable, pas mal. Hein? Mais oui. Je pense que Jasmine t'a peut-être battu. C'est quoi ton animal? Ah, c'est même je sais pas c'est quoi en français. En anglais, c'est un slow loris. Slow loris. Slow, S-L-O-W, loris, L-O-R-I-S. Mais je sais pas c'est quoi. Oh. Mais c'est tellement beau. Oui. C'est cute au bout. C'est ça, ouais. Voilà, vous êtes toujours à la vie de croisière d'assemblage requis. On vient entendre Daran avec sa pièce Kennedy, ça monte d'une place. Et juste avant, on a entendu Reine de France avec la pièce Ça finira dans un bain de sang qui monte de 4 places. David, tu disais? Ben, en fait, pour traduire ton slow... Ton slow comment déjà? Loris. Le slow Loris a un nom pas mal moins cute. En français, ça s'appelle un ictycébus. Un comment? Un ictycébus. Ictycébus. Nictitibus. Là, je pense le ça fait deux fois que tu l'as pas prononcé de la même façon. Là. Sois constant un peu, là. Ben, je vais vous le faire lire. OK. Vas-y. Un i... Ouais. Ouais, hein? On comprend David bon, maintenant. Bon, c'est ça. Ouais. Ça te turn off un petit peu, Jasmine? Hein? Est-ce que ça te turn off un peu? Ben, on peut pas en avoir, je pense, au Canada, de toute façon, qu'on m'avait déjà dit. Donc, le point fait est que un je vais peu... garder mon chat. C'est ça. C'est le fun, un shot. Oui. Donc, on va aller entendre les fils de brut dans quelques secondes. Et le temps de vous dire que tout à l'heure, on va présenter notre nouvelle chronique « Tu manges mon cœur », Jasmine. C'est quoi ça? C'est notre chronique de coup de cœur. Ah, qui est cool. C'est cute, hein? Oh. Tu vas voir, j'ai fait une belle petite chanson pour ça. C'est mon coup de cœur de la semaine. Mais pour l'instant, Malaville des fils de brut en 8e place au 89 FM6. C'est ça, l'animation. De nos amis Les Fils de Brut. Position numéro 8, ça monte d'une place. C'est un single d'un futur album qui s'en vient éventuellement et dont le nom m'échappe, mais je sais qu'il est écrit sur le CD. C'est le nom de l'album, vous avez l'attendre un peu. Que tu l'as? La Révolte Cynique. Cool. Et super. Hein? Ça sort quand? c'est pas écrit. Je sais pas, peut-être déjà sorti, je sais pas. Bon. Voilà, on va entendre tantôt Audionaut et David Giguère, mais avant ça, Jasmine. 6, 5, 4, c'est le transfert de la chanson thème qui s'en vient. Sur... Oh, hey, Colin Navla, on va avoir le temps de commencer notre nouvelle chronique qui s'appelle Tu manges mon cœur, c'est cute, hein? Oh. Ouais. Ma là-dessus que débute la chronique Tu manges mon cœur. Pas mal le même thème que l'autre d'avant. On a juste avancé un petit peu dans la toune. C'est un peu le principe de la chose. Vous savez, je vous raconte l'histoire. Stéphanie Gagné fait sa chronique Ton plat favori pendant quoi, 3 ans ou presque ici à Assemblage Requis. Elle nous a quittés à la fin de la session d'hiver et je me suis dit. Il faut absolument qu'on garde ce principe-là dans l'émission. Et comme François-Olivier Marchand et moi-même Mathieu Plante, à l'émission, après son plat favori, on faisait les crudités de François-Olivier et le dessert délicieux de Mathieu. Bon, on conserve cette partie-là en t'intégrant Jasmine avec ça, sans les rimes douteuses. Ouais. Malheureusement, parce que sinon, ça n'a aucun sens avec ton plat favori. Hein? Non, c'est ça. C'est fini cette chronique-là. Uh-huh. On passe à autre chose. Ben oui. Donc, Tu manges mon cœur, c'est la nouvelle version de ça et on va vous présenter nos coups de cœur à chaque semaine. Ou en tout cas, ça devrait. On va commencer avec toi, Jasmine, parce que femme et enfant là-bas étaient les deux en même temps. Oui. Avec mon toupette, j'ai la même coupe de cheveux que quand j'avais 5 ans, à peu près. C'est vraiment un joli toupette, merci, Jasmine. Merci. Il te fait bien. Ah. Ouais. Donc, oui. Aujourd'hui, on est quelle date, Mathieu? Jeudi 17 mai en version originale. Oh! À quoi ça nous fait penser? À une chanson qui s'appelle du même nom, là? Oui, voilà. Donc, nous sommes le jeudi 17 mai et il y a une chanson d'Ariane Moffatt qui s'intitule « Jeudi 17 mai hein? ». Ça fait 4 fois que je l'ai dit à peu près. Coïncidence quand même. Donc, je trouve que c'est une bonne idée de faire jouer ça aujourd'hui puisque... Eh bien, c'est une chanson qui parle d'actualité, des trucs moches qu'on voit dans le journal. Alors, je trouvais que ça fitait quand même, ça coïncidait bien avec ce qui se passe dans l'actualité présentement. Donc, nouveau président de la République française, ouais. On en parle dans la chanson. Et autre truc que vous pourrez découvrir en écoutant les paroles de la chanson. Parfait, on va écouter ça. Moi, je vais te faire entendre une chanson. C'est pas super original, c'est juste comme ça parce que ça m'a donné de l'avoir entendu cette semaine. Mais c'est Basque Coast avec Crazy For You. Que j'aime beaucoup. Je sais pas c'est qui. Super bon. Bref, on l'entendra tantôt. Et évidemment, ce sera pas tout le temps des chansons. Ça va être des fois émissions de télé, films, oui. Pièces de théâtre si t'en as envie. Oui. Non, mais là, pour l'instant, vu qu'on a 2 chansons, on les fait jouer dos à dos. Tout à l'heure, Best Coast, mais pour l'instant, une chanson d'Ariane Moffatt, jeudi 17 mai. C'est fou, 89 FM. C'est cute. Hein? Super. C'est cute. Mmh. Tu manges mon cœur. Tes bons plats favoris. Ah, wow. Wow. Mmh. Le prince Harry n'ira pas à la guerre. Immigrants clandestins périssent dans le désert. À Cannes, c'est le festival de Caroline chez frère. La bande de Gaza au port de la crise de nerfs. Sourde et muette, elle est agressée par son père. Le musée fait du fric avec un freak show anatomique. Y'a un frisson qui passe entre mes pieds et la terre. Je n'invente rien, c'est la presse qui parle. Ce 17 mai au matin, y'a des rimes pour dans mon journal. Une arme réglementaire. Biotechnologie, un monde de splendeur et de misère. Kidnapping déjoué par un cyberpatrouilleur. Pauvre Buffalo Jeans, il a perdu son acheteur. Alors que Simon Traversi, lui, a perdu sa vie. Locate au cimetière des familles en colère. Almanach quotidien, un grand froid dans l'atmosphère. Je n'invente rien. C'est la presse qui parle. Ce 17 mai au matin, y'a des rimes pour dans mon journal. Best Coast, c'est la pièce Crazy For You. Allez voir le petit vidéoclip sur YouTube de cette chanson-là de Best Coast pour voir le vidéoclip en train d'être réalisé par un petit chat. Oh. C'est vraiment très, très cute. Oh. Et on parle un petit peu de Best Coast rapidement. Groupe californien de rock indépendant. Si vous avez remarqué, c'est du lo-fi pas mal. Ça sonne assez lo-fi. On dit surf pop, garage pop. Et fait intéressant, je savais pas ça, il y a une pièce Our Deal de Best Coast qui a été réalisée. Le vidéoclip a été réalisé par Drew Barrymore. Et là-dedans, il y a plein d'actrices connues, dont Donald Glover de Community, Shailene Woodley de La vie secrète de l'adolescente américaine. Et Alia Shawkat de Arrested Development. Donc, des émissions que j'aime. En tout cas, celle-là. Peut-être pas La vie secrète. Ouais. Secrète d'une ado américaine, je sais pas quoi. Ouais. C'est bref. Oups. Voilà, et toi, tu nous as fait entendre, évidemment, Ariel Moffat. Avec la pièce jeudi 17 mai. Mm-hmm. Et puis, c'était dans la chronique Tu manges mon cœur. Oui. C'est cute. Mais là, hein? Alors, je veux juste faire une petite parenthèse. Ben, là, parce qu'au début, je voulais parler de... Je savais pas de quoi parler, en fait, parce que j'avais oublié qu'on avait cette chronique-là. Je m'étais dit je pourrais parler du film que je suis allée voir hier soir. Dérapage. Oui, Dérapage. De Polarkian. Mm-hmm. Donc, voilà. C'est excellent. Ça fait un peu pleurer, mais c'est comme choquant. Ouais, ben c'est ça. Est-ce que c'est un petit peu sensationnaliste? Choquant dans le sens de... Pas choqué, fâché, mais tu sais, c'est choc, ça provoque c'est des chocs. Là, c'est ça, ouais. Voilà. Ben, entre autres, je sais qu'ils recréent des accidents, entre autres, un accident avec une petite fille. Ouais, ils refont ça, ouais, avec une vraie petite fille. C'est bizarre. Mais moi, j'espère que ça va en faire réfléchir. Ouais, ben tu penses qu'ils devraient le montrer moi, dans être, les écoles? Mettons, être prof, là, je ferais écouter ça à mes élèves de secondaire 5. Ouais. Ouais, pas plus jeunes, là. Non, ceux qui ont vraiment l'âge. Ceux qui ont l'âge de supporter, d'avoir des chars puis d'être niaiseux avec leurs chars. Ouais. C'est ça. C'est bien. Voilà. Voilà. Hey, merci, Jasmine. Merci, Mathieu. On fera une autre chronique Tu manges mon cœur la semaine prochaine. Mais pour l'instant, ça va être la fin de cette deuxième heure et donc de la première partie de l'émission d'aujourd'hui. Tantôt à l'émission, on aura Simon Fitzbé et sa chronique qu'on n'a pas encore nommée, mais peut-être que son défi, parce qu'on lui donne des défis à chaque semaine, pourrait être de trouver un nom à sa chronique. Non, c'est plate. Non, tu penses? Ouais. T'aimes mieux quand je fais des jeux de mots moi-même, hein? Ouais. C'est ça que je pensais, ouais. Mm-hmm. Comme Jasmine et les mines de rien, ouais. Donc, Simon, les explications de Simon tantôt, si mon but était de vous expliquer quelque chose, mettons, tu sais. Ouais. Ça va sonner comme. Ouais. Mais pour l'instant, petite pause, puis on revient. Parfait. Yes. C'est assez fou pour l'écouter. 89 ans. Troisième heure dans la vie de croisière d'assemblage requis pour la semaine du 14 mai 2012. Elle, c'est Jasmine Raymond-Dréville. C'est Mathieu Plante. Oui, bon retour à vous, bon retour à toi. Merci. Et là, je le dis pour vrai parce que t'es vraiment parti et revenu deux fois, non? Oui, j'avais des photos à les prendre. Pourquoi non? Pour l'agenda. Ah ouais, des photos de toi, ça? Ben, des photos de l'agenda, de la GE pour l'agenda. OK. Puis pour le site. Bon, d'accord. Donc c'est ça, on va commencer cette deuxième heure, avec, cette troisième heure pardon, avec du palmarès un petit peu pour l'avancer avant de recevoir Simon Fitzbé et ses explications sur les élections françaises. Oui! Donc tout à l'heure, oui, il y aura Canaille et David Giguère, mais on va débuter en septième place. Avec Audionaut et Métropole qui montent d'une place. 89 FM, c'est fou. N'oubliez pas, là, c'est le palmarès francophone, top 20 cette semaine. C'est une prochaine anglophone, on varie, tu sais, c'est va-et-vient, fouing, fouing, fouing, chouic, chouic, chouic, oui. Floc à floc à floc. C'est ça. On écoute. Ouais. Hey, c'est le dernier mot. Non, c'est pas vrai. Oups, j'ai parlé. Je voulais donner le dernier mot, mais oups. Yeah, j'ai gagné. Cool. Qu'est-ce que tu penses? numéro 6. Je fais un pas devant, je te vois et je m'éteins de tout mon long. C'est sûrement les vapeurs qui me montent à la tête, qui me font dire que ta splendeur me convie à la plus belle des fêtes. Des coups, mais j'ai quand même plusieurs attraits qui penchent en ma faveur. J'suis pas là pour te mener en bateau, te compter que j'ai le plus brave de tous les matelots. Roméo et Juliette, c'est ben beau, mais oubliez pas qu'à fin ils font pas juste des beaux dodos. J'suis pas dans un conte de fées, mon grand. C'est toi qui me parles d'amour alors que j'suis là à me demander si t'es pas pour moi. Le centre de la chose, vous donne des réponses sans poser trop de questions. J'ai posé pas pour toi. Parle-moi encore, parle-moi, c'est d'accord. Je vais entendre ta voix jusqu'à ce trop tard. Canaille, parle-moi en position 5. Ça monte d'une place du côté franco. Juste avant, on a entendu David Giguère. Oui, on l'a entendu, mais c'est parce que je parlais avec Simon. Fait que j'ai pas eu connaissance qu'on l'a passé avec la pièce La Chose qui monte d'une place. Ouais. Ben parfait, justement, tantôt on va entendre Mauve et Fanny Bloom, mais là, Simon Fitzbit, tu l'as dit, est arrivé pour essayer de nous expliquer quelque chose. C'est, à moins qu'il ait changé d'idée. Je pense que c'est un gros défi qu'il va essayer de... Ah, là, ça va être la biographie de Donna Summers. Non, c'est pas vrai. Hey, hein, ça, puis Whitney Houston, on est pas chanceux. Hein? Ben, Donna Summers, elle a une carrière intéressante, par contre. Là. OK. C'était la reine du disco, mais okay. c'était une bonne disco. Qu'est-ce qu'elle chantait, donc? Love to dance, love to dance. Ah, oui. Ça joue tout le temps quand je travaille. Ça joue encore aujourd'hui, ça. Entre autres. Bon, donc Simon, c'est pas de ça dont tu nous parles. Tu vas essayer de nous expliquer quelque chose d'autre. On va mettre ta petite intro pour commencer parce que c'est... On va appeler ça avec un nom différent peut-être à chaque semaine. J'ai aucune idée comment l'appeler cette chronique-là. Ben, on avait dit que c'était pour les nuls. Donc pour là, les c'est, nuls, c'est le système électoral français pour les nuls. Ça manque de jeu de mots, mais bon, comme ça. Pour les nuls avec Simon Fitzgerald. Aujourd'hui, tu nous expliques encore un sujet que tu ne connais pas vraiment. Oui, ben, je... Encore une fois, étant pour la première fois. Mais bon. Oui, effectivement. Donc, ça va être le concept, en fait, de cette chronique-là. C'est de vous présenter des trucs que je ne maîtrise pas nécessairement. Oui. Mais d'essayer de vous le présenter le plus possible. Et c'est vous, nous, les animateurs, ou même le public, s'ils veulent, qui peuvent décider de qu'est-ce que sera le prochain sujet. Vous pouvez passer par la page Facebook d'Assemblage Requis et demander vos souhaits, vos trois souhaits, mais un de ces souhaits ne peut pas être d'avoir des souhaits illimités, ça marche pas de même. Ouais, effectivement. Donc aujourd'hui, tu nous parles des élections françaises. Exactement, donc je me suis penché sur le sujet puisque c'est différent d'ici. Bien sûr, le système français est un système à base universelle déjà, ce qui est complètement contraire à notre système britannique, où on y va par comté et avec une majorité, une pluralité de sièges forme le gouvernement. Ici, il y a différents... En fait, en France, plutôt, il y a différents paliers de gouvernement. Mais avant de s'en aller là-dedans, on va débuter avec la personne, dans le fond, le votant, le citoyen français. On va s'aborder à la citoyenneté française. Donc, comment est-ce qu'on peut être citoyen de France? Même pour ceux qui ne sont pas déjà. On peut le devenir, ouais. Oui, on peut le devenir, mais c'est pas si facile. Ne deviens pas français nécessairement qui veut. Tout d'abord, il y a le droit du sang, bien sûr, et ça, n'importe quel pays. Le droit du sang, en fait, c'est qu'il faut avoir, on est considéré français, tout enfant ou au moins un... Au moins un... Non, je recommence ma phrase. Est considéré comme français tout enfant dont au moins un des deux parents est français ou devient français. OK. Donc même si tes parents sont devenus français, s'ils ont un enfant, tu deviens français automatiquement. Mais oui, c'est pas nécessaire si d'être né là. Non, exactement. Okay. Si t'es à l'extérieur du pays, tu peux quand même être français. Donc, si ta mère serait française, tu serais français automatique. OK. Mais est-ce que c'est comme... tu sais, aux États-Unis, tu peux pas devenir président si t'es pas né sur le territoire américain. Mais peut-être que tu pourrais pas devenir président de la France si t'es pas né là-bas. En fait, ça, c'est quelque chose d'ingénieur, mais ça s'est jamais fait. Par contre, je pense pas que ça soit dans la Constitution. Okay. Il faudrait s'y pencher éventuellement. Également, il y a le droit du sol. Donc, un enfant qui est né en France ou d'un parent lui-même né en France, eh bien, il est français de naissance, dont droit du sol, bien sûr. Pour l'enfant né en France, le parent né à l'étranger, la nationalité française, donc, revient automatiquement et en plein droit à sa majorité. Donc, il devient citoyen français à l'âge de 18 ans. Mais il est considéré comme un Français, même si ses parents ne le sont pas et lui est né là, bref. Il y a également la procédure de naturalisation qu'on a également ici au Canada. Jusqu'à date, c'est des choses qui ressemblent de près ou de loin, mais bon, on n'est pas Canadien, quelqu'un qui naît à l'extérieur du Canada, etc. Mais bon, ça, on peut revenir. Également, par la procédure donc de naturalisation où, en fait, un étranger majeur résidant habituellement sur le sol français depuis au moins 5 ans peut demander à être naturalisé. La durée de résidence, par contre, peut être réduite à 2 ans si le demandeur accomplit avec succès des années d'études dans un établissement d'enseignement supérieur français ou s'il a rendu ou peut rendre des services importants à la France. Ça peut être discutable. En fait, depuis la loi Sarkozy du 26 novembre 2003, donc alors qu'il était premier ministre, sur la maîtrise de l'immigration au séjour des étrangers en France ou à la nationalité, il doit justifier son assimilation à la communauté française lors d'un entretien individuel. Celui qui évalue selon la bonne condition de la reconnaissance de la langue française et des droits et devoirs conférés à la nationalité française. C'est-à-dire, est-ce que tu es digne d'être un des nôtres? Ça ressemble à ça. Mm-hmm. Et donc, on sait que les Français ont eu quand même des grosses crises nationales là, récemment sur le port, entre autres, de la religion, la présence de la religion ou également des étrangers dans la société. Ça revient un peu à ça également du côté de la naturalisation. Et ça se fait également, et ça, c'est la chose avec le droit du sang qui est la plus intéressante, selon moi, pour devenir citoyen, par le mariage. Ah, OK. Donc, si tu maries quelqu'un de français, en fait si tu es un conjoint français depuis 4 ans, eh bien, tu peux demander ou acquérir la nationalité française par déclaration. Donc, entre autres, Thomas Mulcair, chef du NPD présentement, est citoyen français parce que sa femme est française. Ah, même s'il n'habite pas là-bas du tout. Exactement. Stéphane Dion, ancien chef du Parti libéral, lui aussi était citoyen français parce que sa mère était française. Et il est né au Canada. Donc, lui, est né au Canada, sa mère était française. C'est l'un ou l'autre. Français. Tu peux pas avoir les deux. Tu peux avoir les deux. Tu peux avoir les deux, mais t'es pas obligé. Non, t'es pas obligé. Ouais. D'ailleurs, Stéphane Dion a abandonné sa citoyenneté française lorsqu'il est devenu chef du Parti libéral parce que c'était ce que les conservateurs faisaient spinner. Paf, il est français, Et Thomas Mulcair, même chose, ça risque d'arriver dans les prochains mois. Mais bref. Une fois le concept de citoyenneté compris, il faut aussi s'intéresser donc à la façon dont fonctionnent les institutions françaises. Il y a tout d'abord les présidentielles qui sont les plus, ce qui est le plus connu. En fait, la personne qu'on voit le plus, c'est le représentant de la France, en fait. Et c'est une élection présidentielle qui se fait aux 5 ans. En fait, c'est un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Et ça se fait par suffrage universel direct. Et c'est à majorité absolue, que le président est élu. Ça, c'est 50% plus 1, quoi? On dit si aucun candidat n'obtient... c'est 50% plus 1. Si tu peux l'obtenir au premier tour, parce que, bon, il y a un système de tour universel qui se fait pour les Français. Donc, n'importe qui peut se présenter à la présidentielle. Si toi, tu veux te présenter à la présidentielle de France, si t'es citoyen français, bien sûr... Tu peux le faire, donc sous n'importe quelle bannière de parti, tu peux le faire. Donc le culte de la personnalité peut embarquer là-dedans, c'est-à-dire que tu peux avoir un type qui vient du parti des mangeux de fromage de France. Et s'il y a beaucoup de charisme, ça hisse quand même assez haut. Ça ne va pas nécessairement représenter l'entière idéologie des Français. Il y a un premier tour où on libère les deux plus, c'est-à-dire les deux avec le plus de votes vont se retrouver au deuxième tour. Et là, c'est sûr qu'il va y avoir une... T'as pas sûr d'avoir le 50% plus 1 rendu. 50% plus 1. Parce qu'avant ça, il y a combien de partis majeurs en France? Au niveau des partis majeurs, on va pouvoir y revenir, mais généralement, ça joue toujours entre 5 partis qui ont l'avant-scène, mais il y en a plusieurs autres également qui partagent 2-3 votes chaque. Là. Parti rhinocéros de France. Oui, genre Parti rhinocéros de France, effectivement. Il y a eu auparavant, par contre, également, des époques où on ne dégageait pas nécessairement des vainqueurs spécifiques à chaque tour. Donc, il y a eu, entre autres, des présidents qui ont été élus après 13 tours de suffrage. Oui. Donc, c'est très, très long. On parle d'environ 2 semaines par tour. Ça fait 26 semaines. Demi-année d'élection. Donc, on a décidé vraiment de réglementer ça pour pouvoir que ça se fasse plus vite, en fait. Il y a également les élections régionales, en fait. Ces élections-là, c'est pour les représentants des régions. Donc, ça, c'est aux 6 ans. C'est le suffrage universel direct également. Et ça se fait également par 2 tours. Et si on a la majorité au premier tour, ben, on passe tout simplement et on oublie le second tour. Pour les élections cantonales, eh bien là, c'est les représentants par canton. Ça se fait également par suffrage universel. Et c'est le conseil général, en fait, qui est renouvelé à tous les 3 ans. Les conseillers généraux sont élus pour 6 ans. C'est un peu comme aux États-Unis où on a des partiels, en fait, de mi-mandat. On demande, dans le fond, de renouveler le Sénat et les chambres... Et sûr de vouloir continuer de même, mettons. Et sûr de vouloir continuer avec lui, exactement. Et excuse-moi, ça donne Simon, oui? T'as parlé de suffrage universel, je me sens un petit peu stupide de ne pas savoir la différence entre ça et c'est quoi l'alternative à ça? Ça dépend. Il y a plusieurs alternatives. En fait, lorsqu'on parle d'un suffrage universel direct, c'est que tout le monde va voter pour une seule question en particulier. On va pas voter nécessairement par comté. C'est-à-dire... Ils votent pour le top. Là. Genre, ouais, qui va être le président. Exactement. Donc, tout le monde vote pour la même chose. Okay. Alors que ici, disons, c'est un suffrage qui est pas universel. Les représentants. Pas complet, pas direct, en fait. Oui, exactement. Parce qu'on vote à l'universel, mais par comté. Ouais. C'est-à-dire qu'on vote pour un candidat ou un autre, mais on vote pas nécessairement pour le premier ministre en certain T'sais, c'est-à-dire que... Il y en a qui votent pour le premier ministre parce qu'ils votent pour le parti. Dans son comté. Oui, qui peuvent voter par le parti, mais c'est-à-dire que c'est celui qui va gagner la pluralité des votes dans son comté qui va remporter. Il n'est pas obligé d'avoir une majorité absolue. Il n'y a pas de second tour. Donc, c'est celui, tout simplement, qui en remporte le plus là. Et c'est là que c'est pas universel, c'est-à-dire que c'est pas la majorité totale qui gagne. C'est celui qui a le plus de votes. Okay. Donc, c'est le Parti libéral, entre autres, au Québec, a remporté, je crois, c'était avec 29% des votes là, de la population au total. Et la même chose, tu voulais me voir comme J'essaie de te voir, Simon, je parcours les micros. C'est la même chose aussi pour ce qui est des, c'est-à-dire des conservateurs au Canada, présentement, qui ont gagné avec 39% des votes, ou 40% en total des gens qui ont voté. Et là, si on rajoute en plus les gens qui ne sont pas allés voter, ben, c'est en bas de 40% des gens qui ont voté. Donc, il n'y a pas de majorité absolue du côté également du gouvernement canadien, puisqu'on y va simplement avec la pluralité des votes. Maintenant, on va parler de ces différents partis, mais également de ce système français qui a été établi en 1958. Donc, il s'agit de la 5e République. Ça a été établi donc par Charles de Gaulle en 1958, bien sûr. Ça a été donc mis en place, comme j'ai dit, le 1er juin 1958. Et ça a été ratifié par le gouvernement également à la même année. Et on va parler surtout des partis qui se présentent dans ce système. En fait, je pourrais vous parler en fait, des partis des dernières élections françaises, là, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Les partis principaux, eh bien, il y a l'UMP de Nicolas Sarkozy, bien sûr, qui est un parti de centre-droit, qui est un peu l'équivalent, si vous voulez, des équivalences au Québec du Parti libéral de Jean Charest. Le Parti libéral et l'UMP, d'ailleurs, ben, en fait, Nicolas Sarkozy et Jean Charest ont, d'une certaine façon, les mêmes amis politiques, en tout cas pour ce qui est, entre autres, des propriétaires de Sagard, hein, on pourrait y aller comme ça, et ont un peu la même idéologie de vouloir toujours se centrer autour de l'industrie, de laisser libre cours à l'industrie. Il y a eu également le Parti socialiste, représenté par François Hollande aux dernières élections. C'est un parti d'un peu plus à gauche, mais disons de centre-gauche, qui va laisser place au marché également, qui va rester au niveau de l'union économique, de l'Union européenne, dans le fond. On a pu le voir, d'ailleurs, avec les premières rencontres avec Hollande. Mais qui ne sera pas... qui ne va pas nécessairement aller au devant de l'industrie et essayer de réguler le plus possible. On parle un peu des banques là, du côté de Hollande, mais ça reste quand même un peu du pareil au même. Il y a eu également le parti de la gauche, et là, le nom m'échappe de ce parti-là, mais c'était représenté par Mélenchon, c'était la gauche totale. C'est-à-dire, là, c'est vraiment, on régularise les banques, on laisse tomber les accords de libre-échange avec l'Union européenne, et également... On va un peu se renfermer la France sur elle-même, si on veut, d'une certaine façon. Et également, on avait aussi du côté de la droite extrême, si on veut, l'équivalent contraire de Mélenchon, c'était c'est-à-dire Madame Le Pen, Marine Le Pen. Oui. On en a entendu parler beaucoup. Elle a eu beaucoup en fait de couverture médiatique dans la dernière dans les derniers deux ans. En fait, je crois qu'elle a remplacé son père, Jean-Marie, qui eux autres, c'est la droite nationaliste identitaire française, la droite qualifiée un peu de blanche, si on veut, c'est les Français. Excuse-moi, on s'en va publicité. Oh, on revient tout à l'heure. C'est le bateau qui fait défaut. Donc, elle représente le Front National, le FN, considéré comme le parti, un des partis, en fait, les plus à droite. Il y a des partis qui sont pire que ça, si on veut, mais quand même, c'est dans les partis les plus connus, c'est surtout celui qui ressort le plus, qui a le plus également de popularité. Elle a fini, je crois, avec 20-quelques pourcents des voix, ce qui était quand même assez incroyable. Et c'est, comme je disais, la France identitaire, à droite économiquement, mais surtout au niveau social, là, de ce côté-là. On est contre l'immigration de masse. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen avait, lors des dernières élections, beaucoup surfé sur le fait de fermer complètement les portes à l'immigration pendant plusieurs années. Et là, ce qui est drôle, c'est que c'était non pas Sarkozy, mais je crois que c'était Chirac à l'époque qui avait le beau jeu, dans le fond, parce qu'il était aussi au centre droit que Sarkozy. Chirac était le père spirituel de Sarkozy, d'une certaine façon. Et il paraissait, pour le gars, bien ouvert, tandis que là, comme Sarkozy, dans les deux dernières élections, était contre un candidat de gauche, ben, il pouvait se permettre d'aller beaucoup plus à droite. Okay. Là, on rentre dans l'analyse politique plus que dans l'explication. Mais bref, c'est surtout de cette façon-là que ça fonctionne pour ce qui est des systèmes politiques. Présenter également certains présidents de cette 5e République-là. On débute avec, bien sûr, Charles de Gaulle, qui a été président du 8 janvier 1959 au 28 avril 1969. Dans ce temps-là, par contre, c'était des septennats qu'on appelait. Donc, c'était des mandats de 7 ans à la place c'est de 5 long, ans. C'est long, là, 7 ans. C'est long, exactement. Wow. C'est pourquoi qu'on a changé le tout par après. Il y a eu également Georges Pompidou qui était là de 1969 à 1974. Lui est décédé en cours de mandat. Il y a eu 58,21% du suffrage à l'élection. Dans le cas de Chirac, il y a eu De Gaulle, qui a eu 78,5% d'appui lors de sa première élection et 55,2 à la seconde. Donc, Pompidou, lui, est décédé en milieu de mandat. Il a été remplacé par intérim par Alain Poher. Lui, je le connais pas vraiment, malheureusement. Mais il n'a pas été là très, très longtemps. En fait, il était là du 2 avril 1974 au 27 mai 1974. Le temps de faire l'intérim. Wow. Il a été ensuite remplacé par Valéry Giscard d'Estaing, qui, lui, a été là du 27 mai 1974 au 21 mai 1981. On voit toujours que les élections ont été settées, c'est tout le temps en mai, en France. Hein, c'est assez. Et ensuite, le seul autre que François Hollande, à venir de la gauche, à venir du Parti socialiste, François Mitterrand, lui qui a été là de 1981 à 1997. Il a fait un septennat et par la suite, je crois, c'était, si on fait le calcul rapidement, c'était deux quinquennats. C'est-à-dire qu'il a été élu pendant 7 ans, par la suite, c'est devenu 5 ans. Et il a été au pouvoir, en fait, pendant 14 ans. Non, c'est deux septennats, dans le fond. Ben oui, C'est Chirac qui est tombé dans les quinquennats, je crois. Et donc, il a eu tout d'abord 51,75% des votes, donc un peu moins un petit peu plus, à peine 9% de plus que ce que Hollande a eu face à Sarkozy. Il a ensuite battu Jacques Chirac également lors de l'élection de 88, où il y avait eu 54,1% des suffrages exprimés. Par la suite, Jacques Chirac, de 95 à 2007, lui aussi a été là quand même assez longtemps. Sarkozy, de 2007 à 2012. Et finalement, François Hollande, qui a été élu le 15 mai 2012, président de la France. Est-ce que ça te surprend qu'il y ait eu seulement un mandat, Sarkozy? Non, pas vraiment, parce que on va y aller au niveau de sa présence là, dans ses 5 ans de pouvoir. C'est un gars quand même assez arrogant, mais qui a une expérience politique assez incroyable. C'est un type qui représentait, dans le fond, le statu quo. Pareil comme celui d'avant. Exactement. Et habituellement, les gens de la droite représentent le changement. Mais dans le cas de Sarkozy, il est allé, je crois, le plus loin possible économiquement qu'il pouvait aller. En le moment, il pouvait pas, à part de se radicaliser comme il l'a fait lors des élections, il pouvait pas vraiment changer d'autre chose de plus. Alors que, là j'ai Mitterrand en tête, c'est pas Mitterrand, mais plutôt Hollande, lui arrivait avec des solutions plus à gauche, qui disait « regardez ce qui se passe en Grèce, regardez ce qui se passe un peu ailleurs dans l'Union européenne, c'est à cause de la France et de l'Allemagne, dans le fond c'est notre faute si c'est comme ça, et si on continue à tout laisser... le pouvoir aux banques et le pouvoir économique aux entreprises, ben c'est ça qui va arriver à nous aussi. À un moment donné, on va tomber tout simplement parce que on régularise pas assez notre système économique. Et c'est un peu là-dessus qu'il a gagné en grande partie. Et aussi le fait que Sarkozy a eu aucun appui de la part des autres candidats. C'est-à-dire que, bon, Mélenchon, ça s'en allait directement à Hollande. Et là, j'ai oublié complètement le candidat du centre. C'était quoi son nom, mais lui a donné son appui à Hollande, ce qui a vraiment coûté cher à Sarkozy. Et Le Pen, elle, a décidé de voter blanc, c'est-à-dire que d'inciter ses électeurs à ne pas voter, tout simplement. Et ça a joué contre lui. C'est bizarre un peu. Ouais. Non, c'est ça. Je trouvais ça bizarre parce que, tu sais, d'habitude, mettons, les États-Unis, c'est tout le temps vraiment, tu sais, exactement 50-50 ou presque. Oh, oui, puis ça bascule tout le temps d'un bord à l'autre. Tu sais, c'est tout le temps républicain-démocrate, républicain-démocrate depuis quelques temps. T'sais. Aux États-Unis, il y a seulement deux partis officiels. Ouais, en fait. C'est ça. Et depuis l'ère de Reagan, c'est encore plus officialisé parce qu'il aurait pu avoir d'autres partis. Mais dans les années 80, Reagan a officialisé ça avec le système des primaires, c'est-à-dire en établissant le vote vote la convention système, nationale. Ouais, c'est ça, mais ça existait déjà ça. Okay. Mais ce que Reagan a fait, c'est que tout le monde peut voter dans ces ces élections-là en s'enregistrant en tant que démocrate ou républicain, mais sans être un membre du parti, donc qui milite au sein de celui-ci. C'est-à-dire que toi, Mathieu, aux prochaines élections, disons, t'es aux États-Unis, et toi, t'aimes bien Mitt Romney, t'aimes bien... Mitten! T'aimes bien Mitten, Romney. Oui, toi, tu veux pas que le gouvernement vienne chercher dans tes poches, puis les homosexuels, tu trouves que... Mais là, c'est hypothétique. Oui! Tu trouves que le mariage, ça représente juste un homme et une femme. Ben, c'est que moi, ça, si deux personnes du même sexe se marient, ça vient complètement défaire mon mariage, là. Hypothétiquement, oui, ouais, c'est ça, ça vient jouer dans ta vie. On écoute, étire un peu. Ça, c'est un personnage, ouais, oui. Ça représente pas nos idées. Mais si tu voudrais voter donc pour le Parti républicain lors des primaires, t'es pas obligé d'être un membre de parti. T'as juste à t'enregistrer, okay. C'est-à-dire que tu pourras pas aller voter du côté des démocrates, mais tu vas avoir voté pour, selon ton état, en fait, pour le candidat que tu le veux, que tu veux, en fait. Et c'est ce qui arrive, donc, ce qu'il n'y a pas en France, en fait. C'est le parti qui désigne qui sera le chef, donc... à affronter le président qui, généralement, comme aux États-Unis, comme au Canada, c'est très rare qu'on va changer de premier ministre entre deux élections. Là. C'est celui qui est à battre, dans le fond. L'ennemi à abattre à politiquement. Abattre. Si seulement. Oui. Wow. On aimerait ça du quoi? C'est ça. C'est tout, Simon? Oui. Ben, c'est ça. C'est en gros, là, un peu, ce qu'il avait présenté. Il y avait beaucoup d'autres trucs. J'aurais aimé ça pour parler des autres plus petits partis, mais j'ai pas ma feuille de notes. Ah! C'est pas grave. On apprécie quand même ton beau travail, Simon Fitzbé. Et là, c'est le moment de choisir un thème pour la prochaine chronique. Est-ce qu'on en met plusieurs sur la table? Tu décides celui que tu veux? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Lancez-moi ce que vous voulez. Attends un peu, j'ai des feuilles ici. Papercut! Des idées, Jasmine? Attends, là. Moi, je vais suggérer des affaires et puis vraiment, si t'as d'autres choses, tu le dis, puis Simon va choisir. J'avais comme en tête des sujets pour plus tard, mettons, m'expliquer peut-être les affaires d'armes à feu, tu sais, genre la NRA aux États-Unis, quelque chose de genre, tu sais, peut-être des trucs comme ça. Ouais, ça pourrait être intéressant. Sinon, peut-être m'expliquer genre Star Wars, mettons. Non. Star Trek et Star Wars. Mais moi, j'en ai jamais vu un. Je pourrais parler de Gabriel Nadeau-Dubois, oui, Jedi, par contre. Ça, c'est... Mais moi, je trouve pas si cool que ça. Toi, t'as l'air d'être comme... Je trouve pas ça cool, je trouve ça très drôle. Capoté. Non, je me suis trompée. Moi, je trouve pas ça si drôle, on dirait. Mais ça a bugué en plein milieu. Est-ce que la deuxième moitié est meilleure que la première moitié de la vidéo? Non. Parce que je suis vraiment pas impressionnée. Ouais, il faudrait. Moi, j'en ai fait une copie pour le garder parce que hier, le film a été effacé de même sur le blog original du film. Il n'y a plus moyen de trouver la vidéo. Mais c'est quoi, juste en général? Le film de Nadeau-Dubois. Oui. C'est lui qui acte d'une façon très très mauvaise. Mais c'est vraiment lui qui joue dedans. Oui, mais en fait, écoutez, c'est un film de famille là. C'est okay. Faut pas dénigrer ça parce que c'est des gens qui sont pas des acteurs qui se sont donné la peine de faire un film. Ce que j'ai trouvé tout simplement drôle, c'est de le voir là. Un film qui peut-être aurait jamais dû être présenté ou prendre l'importance comme ça. Ouais, c'est un film. C'est comme le Star Wars Kid là finalement, mais oui, mais avec du jeu. Oui, cette fois-ci, c'était voulu, par contre. Plutôt avec son consentement, oui, c'est sûr. Ah, ouais, je sais pas s'il a vraiment regagné le consentement. Ben, moi, je trouve ça... Parce que je trouve que, malgré le fait que je le trouve bien correct, Nadeau-Dubois, je l'aime bien, mais on fait un peu comme un genre de culte autour de cette personne-là. Redescendons-le sur Terre un peu. La démocratie directe, ça fonctionne pas comme ça. Gabriel. Nadeau-Dubois. J'essaie de trouver c'est quoi le nom du président, du gars de droite, pas de droite, mais du centre, puis j'arrive pas à le trouver. Ben, cherche ça pendant que je fais tes plugs, moi. OK, on peut faire ça. Plugging time, ça mérite d'être fait. Donc, Simon Fitzbé, à part ta chronique à Assemblage requis, tu as aussi ton émission le lundi soir entre 20h et 22h. T'as trouvé le nom, je pense. Oui, Bayrou. Bayrou. C'est Bayrou. Bayrou. Qui était le candidat de centre. Au moins, à moins que je mélange Mélenchon, et je vais aller vérifier ça. Continue. Parfait. Donc, lundi soir, 20h, c'est un genre de bleu. C'est ton émission sur le jazz. Oui. Parfait. Ça n'a rien de plus à dire que ça, super. Ben, le jazz, le jazz, le blues, les styles... C'est comme genre. Ouais, voilà. C'est ça. Ça repasse les dimanches soirs à 17h et il y a une autre case horaire aussi. Je crois que c'est... C'est où? Il n'y a pas d'autre. Oui, donc Mélenchon représente la gauche et Bayrou représentait le centre. Voilà. Hein, on fait comme des républicains et démocrates aux États-Unis, on bascule de bord à l'autre. ensuite, album classique les vendredis matin à partir de 10h. Effectivement, on présente un album dans son entièreté. Et pour ce qui est de la prochaine émission, ben, vous verrez, vous entendrez. Serge, les je me mêle tellement dans ma grille à race à pas d'allure. Les dimanches à 13h. Ben, c'est tellement compliqué. T'es revoir. Ah, c'est pas évident. Hein, ouais. C'est que des rediffusions. Les mardis à midi. Et puis, finalement, t'as des reprises de Catalepsie. Saison. La saison a passé. C'est les samedis soirs à 19h, entre autres, que ça rejoue. Voilà. Oui. Super. Merci, Simon Fitzbé. Ben, merci de m'avoir reçu. Et là, est-ce que c'est... Ah, sujet, on n'a pas de thème, c'est ouais. Ça, là. Je cherche, Comment fonctionne? Ça va être pas mal les... Qu'est-ce que quoi? Que qui? Que coup? Mais sûrement qu'il y en a plein, là. Jurilou? Baïderou? C'est quoi, Baïderou? Bayrou. Jasmine, une dernière chance, sinon on s'en va un peu. Allez, décidez quoi? Ben, est-ce qu'on peut te le dire plus tard? Si tu veux. Après la pause. OK, go! C'est un défi. Après la pause, le choix de la chronique de Simon de la semaine prochaine et aussi, ça existe, mais ça devrait pondre. Ah, ça, j'aime ça. Okay. Toujours la vie de croisière d'assemblage requis avec Jasmine Raymond Rinville et Mathieu Plante. On n'a pas de sujet. Pas de sujet. Hein, on prend la peine de prendre une pause mystère, Jasmine. Come on, réveille. Non, mais t'en as pas plus trouvé que moi. J'en ai trouvé deux tantôt. Ben, go, je sais pas si t'es proche. OK, nous, on va parler de la NRA. Okay. La NRA. On va parler des fusils. National Rifle Association of America. Charlton Heston et tout ça. Ça te tente-tu? From Michael Dead Ends. Oh oui. Ouais, c'est ouais. Ça. On va parler de ça. C'est Michael Moore, je sais pas. Ouais, ça risque d'être plus facile à expliquer que le système électoral français, donc je suis content. Ben voilà. Peut-être aussi faire des parallèles avec au Canada, le registre des armes à feu. Oui, il y aurait moyen. Ouais. Ouais, surtout que c'est d'actualité. C'est vrai. Parfait. Bon, ben mes sujets poches, c'est ça que ça donne. Hein? Jasmine, ça t'apprendra semaine prochaine. Ben, j'ai toute la semaine pour réfléchir au sujet que je vais lui que je vais lui soumettre la semaine prochaine. Mm-hmm. On va retourner... Mais là, passez-y pour vrai, excusez. Mais oui, non, je vais passer pour vrai. Une semaine, là. Regarde, je vais me l'écrire dans la main. T'as une carrière, oui. C'est une note sur ta main. J'ai de la misère à écrire, par exemple. Ben, maintenant, Jasmine a... son attel. C'est ça, elle peut pas écrire sur sa main parce qu'elle a un truc, elle a fait des tendinites. Raconte-nous l'histoire un petit peu, ben, Jasmine. Là, c'est... Oui, t'es mieux de raconter une histoire parce que sinon les gens vont penser d'autres trucs. Mais en fait, j'ai trop tapé l'ordinateur en une semaine, puis j'ai trop fait de beng en une semaine. Fait que sinon, j'ai bien mal au poignet. Je suis trop fait de beng. Fait que bref, j'ai mal au poignet parce que j'ai trop tapé à l'ordinateur dans une position inconfortable. Oh, ouais. Change de position. C'est ça. Fait que là, j'ai une attelle au poignet gauche. Puis je suis gauchère. Fait que je mange comme un enfant. Oh. Puis je tiens mes ustensiles tout croche. Puis j'écris comme un enfant aussi. C'est triste. Puis j'ai une coupe de cheveux d'enfant. C'est ça. Un toupette droit. C'est très, très joli. On l'a dit tantôt, je pense que oui. Elle a la même coupe de cheveux que sur son fond d'écran quand elle était petite. C'est vrai. Bon, on mettra la photo sur le Facebook. C'est ça, parce que les gens ne comprennent pas. Ah page oui, Facebook. Ben, faut la mettre. Non, mais j'irai pas mettre des photos de moi, bébé. Mais oui. Mais là, hey, tu sais, un livre ouvert, hein, un petit peu d'ouverture. Bon. Donc, on y retourne en palmarès francophone. Il nous reste le top 4 à entendre tout à l'heure. Oui, il y aura Fanny Bloom en 3e avec Respirer la fumée, mais on débute en 4e. Avec Mauve et la pièce Chérie, écoute-moi, qui est notre ancien numéro 1. C'est ça, ça veut dire qu'on a un nouveau numéro 1 franco. Ça veut dire ça. Yay, vous êtes à la vie de croisière d'assemblage. De l'oasis blanc, j'ai senti tes flancs qui s'embrasaient. J'ai cru voir le soir s'enflammer dans tes blonds cheveux. Je me sentis bleu de laisser choir la fin de l'histoire. Debout sous les avocatiers, mon cœur j'ai semé pour que tu puisses enfin y goûter. Chérie, écoute-moi, je sais que par s'arranger. Bon, écoute. ton sein nourrit et nous pûmes enfin écouter. Chérie, écoute-moi, je sais que tout finira. Fanny Bloom et Respirer la fumée, ça monte de deux places en troisième position, Franco. Super. Juste avant, on a entendu Chérie, écoute-moi de Mauve. Mm-hmm. On a un nouveau numéro 1, on l'entendra tantôt. Nouveau numéro 1, nouveau jeu de mots. Yeah! Enfin, il était-tu temps, hein? Ouais. T'as dit de faire des jeux de mots sur Chérie, m'écoutes-tu, moi, là? M'écoutes-tu? Écoute-moi. Écoute-moi. Excuse-moi. Hey, Chérie, m'écoutes-tu? C'est une ancienne émission assez fou, ça, pour ceux qui se rappellent. Ceux qui se rappellent trouvent ça bien drôle. Je devrais pas être né, là. Non, c'est ça. Il y a 2 ans. Bon. Maintenant, tiens, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de chronique maison. On a été avec nos chroniqueurs depuis pas mal de temps. Pas mal tout le temps, c'est ça? Alors, on a fait, c'est un fait tantôt. Oui. Maintenant, on va se créer des besoins. On va se résoudre des problèmes. Oui. Voici, ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Oh, je suis de bord de l'eau, même. Oui, toujours sur le SS Rocky, le célèbre bateau de croisière de C'est fou. Maintenant, c'est la chronique. Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Où on se trouve des problèmes à avoir, je pense. C'est pas mal ça, le résumé de la chose. Ouais. Et est-ce que tu as des conditions cette semaine? La semaine passée, tu voulais que je te donne les noms des produits en premier pour encore. Les deviner. Encore ça? Parfait. On commence... Non. Donne-moi juste comme un indice. Mettons, la semaine passée, il y avait eu les sacs à grilled cheese, là. Oui. Tu aurais juste pu me dire... Grilled cheese. Okay. J'aurais fait, ah, mais qu'est-ce qu'on peut inventer par rapport à ça? OK. Ben, il faut que je te donne quoi? Un mot, deux mots? Comme tu veux. Manger des galettes de riz à la radio, c'est bien, bien chic. Est-ce que tu veux les manger de plus près encore? Non. Ah, oui, oui, mais oui. Je peux. C'est bon. Wow. OK, premier, je te donne deux mots, tiens. Mario et souris. Une souris en forme de Mario Bros. Presque. Un tapis de souris en forme de Mario Bros. Ben, pas mal, oui. C'est un tapis de souris en forme de Mario Bros. Mais une souris en forme de tortue Koopa. Oh. Tu sais, les tortues dans Mario, là. Donc, t'as le choix. Ça nous dit ici, soit en rouge ou en bleu. Moi, sur la photo, ça me dit vert. Donc, j'imagine qu'il y a aussi vert là, disponible. Oh. Donc, ta souris, c'est vraiment la carapace d'une tortue avec les deux clics. Et tu as un tapis de souris en forme de Mario. Donc, tu peux bouger ta tortue dans les mains de Mario. C'est super joli. Ça coûte 30,90$. C'est via USB. C'est une souris avec une boule mécanique, là, tu sais, en old school, là, et une roulette, et c'est compatible PC ou Mac, donc il n'y a pas de laser en dessous de ça. Pas besoin de pilote particulier. Et utiliser ça au bureau, vous allez avoir tout à fait l'air tout à fait crédible, un peu comme moi avec mes chandelles de Mario. T'sais. C'est sûr que t'aimerais savoir ça, là. Génial, mais je suis sûr que la souris ne doit pas valoir grand-chose. Non. Malheureusement. Ensuite, tiens, un autre indice. Ah oui, OK. Parfum et homme. Ben là. Tu veux rien que deux mots, c'est un peu vague. Ben, je sais pas. Non. Ouais. Ben, c'est des parfums qui vont attirer les hommes, mais c'est des chandelles en même temps. Donc, c'est Yankee Candle que ça s'appelle. Ouais, c'est la compagnie Yankee Candle qui fabrique des chandelles, par exemple, à odeur de gazon fraîchement tondu. Tondu. Ensuite, sinon, un terrain de football. OK. T'as des 2x4, évidemment. J'allais dire justement que t'as de la sueur de bois, ben, de même. Exactement. T'as Man Town, qui doit sentir un peu comme un appartement de gars. J'imagine l'odeur de pizza, aile de poulet. Ouais. Y a-t-il comme odeur de garage? J'ai pas vu odeur de garage, malheureusement. Non. Mais les chandelles elles-mêmes sont en forme de boc de bière. Quand même pas si pire. Donc, si vous voulez aller voir ça, c'est sur highconsumption.com. Le site est sur assemblagerequis.com. J'adore ça. Jamais j'en achèterai. Ça manque vraiment d'odeur de sueur. Work. OK, prochain indice. Ah, vas-y. L'odeur de sueur, Bob, dans une galaxie près de chez vous, l'a conçu en parfum. Je sais pas si t'étais un fan de Dans une galaxie. J'en ai vu plusieurs, mais pas tous, non. Il y avait un parfum qui s'appelait Odeur de gars de la construction sur un toit en bardeau par un après-midi humide du mois de juillet ou quelque chose de même. Wow. Numéro 4, là, un affaire de même. C'est superbe. C'est ça, voilà. J'en veux. On va continuer. Allons-y avec un autre indice, c'est hockey et bureau. Un poster de Wayne Gretzky. proche. Je sais pas. C'est un kit de hockey pour jouer au hockey sur son bureau. Donc, vraiment, t'as une petite toile que tu peux déplier. Et là, ça vient avec, c'est avec des bâtons de hockey, une petite puck miniature. C'est vraiment tout petit, là, comme un crayon, là, si on veut. Et deux pads pour mettre, tu sais, pour faire comme des jambières. Ouais. Donc, tu mets ça sur tes doigts et t'as un petit but. Et là, donc, tes deux doigts avec tes pads, tu dois empêcher l'autre personne de compter des points. Wow. C'est cool, hein? Mmh. Ça coûte en dessous de 9$, donc vraiment pas cher. Cool. Pour jouer au hockey au bureau. Ben oui. OK, deux autres indices. Toujours la chronique, ça devrait pas. On règle vos problèmes. Je pense que j'ai mis un mot de trop dans mon titre, mais c'est pas grave. Tiens, attaque. OK, il faut deux mots. Tremblement et sac. Tremblement de terre? Ouais. C'est très long, hein? C'est très long. Je sais pas, un sac pour mettre des objets s'il y a un tremblement de terre. T'étais proche. Un sac pour te mettre dedans s'il y a un tremblement de terre. C'est ça, un sac à te mettre sur la tête s'il y a un tremblement de terre ou d'autres attaques comme ça. Donc, sert à quoi? Ça s'appelle le grappa, pour commencer. C'est surtout pour l'Asie, parce que là-bas, il y a beaucoup de tremblements de terre, donc des objets qui vont tomber dans un magasin, ouais, peut-être dans ta maison, tes livres vont tomber dessus. Donc, tu te mets... Il y a même des étapes à suivre, un petit dessin qui vous montre comment faire. Donc, videz votre sac de ce qu'il y a dedans, tu transportes sur tes épaules, évidemment, tu le vides après ça. Tu mets ton sac sur ta tête et tu tires sur les deux courroies, et ça va pouvoir t'attacher au cou. Et donc, c'est vraiment pour empêcher de te tomber les choses, de te faire tomber les choses sur la tête. Ils ont-tu pensé à faire respirer le monde là-dedans? Ouais, il y a un petit genre de screen à l'avant du sac. C'est quoi? C'est un sac en bulle? Un sac en... Un sac, genre, je dirais, en tissu. Avec un dessous qui devient un dessus quand tu mets sur ta tête. Très, très rigide. Ça coûte 45$, donc ça doit être quand même assez rigide. Ouais. OK. Non? Et puis, en plus, tu peux t'en servir tous les jours. Donc, aussitôt qu'il y a un danger, tu vides ton sac à terre, tu te fous ça sur la tête, asphyxie, tu sais. Mais pas vraiment. Ouais. OK, deux autres indices sur un produit qui va vous sauver la vie. C'est hamster et enfant. Hamster et enfant. Une boule à hamster pour enfant? Ça ressemble un peu à ça, ouais. C'est cool. Un peu à ça. Donc, c'est un gros, genre de gros ballon, si on veut. Et puis, ça s'appelle le Child Piloted Tumbler. Donc, c'est vraiment fait pour un peu comme pour un hamster qui se promènerait dans sa boule. Et bien là, c'est une grosse boule en genre de un peu comme des swimmates, là, tu sais, genre en caoutchouc. Ouais. Et puis, il y a des parois transparentes et des parois de couleur. Et il y a un trou dans lequel tu peux entrer et puis marcher. Et puis, c'est ça. C'est super. Ouais. Il y a 30 genres de chambres de PVC. T'as de diamètre de 47 pouces pour un enfant jusqu'à 100 livres. Ça coûte 80$ chez Amaker. Ensuite, prochains indices. OK. Crayon et condiment. Je pense juste à de la moutarde et du caramel à lèvres. Ouais, malheureusement. Un crayon à saveur de ketchup? Un crayon à saveur de ketchup. Un peu, presque. C'est un crayon à distributeur de ketchup et de moutarde, hein? Donc, c'est des Condiment Crayons qui vous permettent d'écrire votre nom, par exemple, sur un hamburger, créer un genre de Picasso de pique-nique, ouais, ou un Matisse de moutarde ou un Van Gogh de hamburger, je sais pas quoi. Donc, c'est vraiment un gros crayon de cire. Ben, l'apparence d'un gros crayon de cire, mais ce sont des bouteilles de ketchup et de moutarde que tu squeezes et tu peux écrire avec. La mine est assez pointue, la mine de condiments. J'aime ça. Mm-hmm. Ça coûte 10€. Bon. Maintenant, je te dis piqûre et chocolat. Je vois très évident. Chocolat par intraveineuse. C'est presque. Non, je sais pas. C'est une... comment t'appelles ça? Une seringue de chocolat. Oui, c'est comme des shooters de chocolat. On appelle ça un zotter. Mais il n'y a pas d'alcool, évidemment. Donc, ça distribue du chocolat. Il y a un paquet de saveurs. T'as noix de coco, amandes, mandarines. Et chaque shooter vaut à 12 ml à l'intérieur. Donc, c'est du chocolat organique, biologique, fair trade, libre-échange, ou peu importe comment vous appelez ça. Ça reste frais seulement pendant 4 semaines, ce chocolat-là, parce qu'il n'y a pas de préservatif, il n'y a pas d'agent de conservation dedans, parce que c'est du chocolat naturel. Et ça coûte seulement 2,50€. Voilà. Pas pire. Hein? Ah, l'autre avant, je m'excuse, je me suis tellement trompé. L'autre, les crayons de condiment, c'était 9,99 livres anglaises. Bon. Oups. Eh bien, là, je vais en acheter un, c'est sûr. Furby. Et 2012. Un Furby en forme de quelque chose qui sortait en 2012, là? Non, c'est vraiment juste un Furby, mais nouveau modèle. Ah, c'est tout? C'est pareil, okay, comme un Furby. Ça coûte 40$ américains. Donc, non, attends, excuse-moi. C'est 24 livres anglaises, ce qui équivaut à 40$ américains en 98, mais 56$ aujourd'hui. On montre le taux de change ici. Donc, c'est la compagnie derrière le Furby qui veut ramener ça. Évidemment, ça n'a pas été vendu. Ça a terminé sa vie au début des années 2000 ou à la fin des années 90. Donc, ils veulent sortir une nouvelle version pour la fin de 2012 pour les fêtes. Et on dit qu'on suggère, en tout cas, les images qui ont été postées suggèrent que les yeux vont être remplacés par des écrans LCD. C'est ça. On va pouvoir voir ses yeux bouger en vrai. C'est super. Hein? Mais pas en vrai. Ouais. OK, je te dis imprimante et écouteurs. Je sais pas. On laisse faire les indices. OK, je sais pas. C'est abandonné vite. Moi aussi, je trouvais ça plate, mais bon, je vous ai pas le dire. C'est une façon d'imprimer ses écouteurs. Tu sais, mettons, t'as besoin de nouveaux écouteurs. Simon Fitzbay, magazine des écouteurs, il n'arrête pas de regarder les miennes, il est super jaloux comme Watt. Ouais. J'ai eu en special, puis là, ils sont rendus super chers. Donc, tu peux faire imprimer tes propres écouteurs cheap de plastique, oui. Il faut évidemment une imprimante 3D, mais les prix des imprimantes 3D descendent vraiment beaucoup depuis les dernières années. Ben, c'est que ton design dans un logiciel spécialisé va te faire imprimer du plastique en trois dimensions. Donc, vraiment, ça va te faire imprimer tes écouteurs avec le bout, le genre de puck de hockey, si on veut. Et après, ça va faire imprimer le cerceau qui va autour de ta tête. Et là, tu peux prendre tes propres écouteurs de iPhone et les planter dans le plastique. J'aime pas ça. Non? Non. C'est cool, je trouve. C'est pas super beau. Ça a été créé par un designer chilien, J.C. Carrick. Et puis, les fichiers sont disponibles sur Internet. Et puis, c'est ça. Tu peux les acheter et puis imprimer tes propres écouteurs si tu as une imprimante 3D. Mais bon, Justin n'aime pas ça. Maintenant, t'as pas de foyer premièrement chez toi? Non. On parle pas de foyer de personnes âgées, on parle d'un foyer avec du feu dedans. Bon, mais t'en veux un. Et, ou encore, mais, je trouve que ce serait beaucoup plus beau d'avoir un feu comme super rétro au Nintendo 8-bit Zelda style. Hein? Donc, tu peux acheter cette affiche de 24 par 24 ou 20 par 20 pouces. C'est vraiment le feu qu'on retrouve dans Zelda, dans les premiers, dans les Zelda sur Super Nintendo ou sur Nintendo original. Donc le petit feu animé, donc ça coûte 150$. Évidemment, j'imagine qu'il est pas animé quand même. Et envoyé n'importe où, donc vous pouvez l'acheter sur internet et vous faire envoyer même au Québec. C'est cute. Maintenant, prochain problème, c'est que t'as envie de faire les petits besoins number one là. Besoin liquide si on veut, mais t'as pas de place où le faire. Là. Il y a pas de sol nulle part. J'imagine que tu flottes dans les airs. Il y a pas de sol. Je sais pas comment tu pourrais ne pas avoir d'endroit pour faire pipi. J'essaie de trouver une façon. Il y en a pas. Non, mais t'es en plein milieu de la rue. T'as pas le goût de faire pipi à terre. Là. Ben, il va falloir que tu te mettes à nu quand même pour faire tes besoins dans cette affaire-là. C'est le IGNA Solo. C'est un bidet pour emporter qui s'attache à une bouteille d'eau. C'est super, hein? Ça s'attache à une bouteille d'eau là, portable et jetable. C'est un attachement de plastique qui va aller avec la plupart des bouteilles. Et puis, ça va vous permettre de rester propre tout en laissant votre bouteille propre aussi parce que ça bouche ça, j'imagine, de façon hermétique avec le bouchon après. Donc, vous squeezez sur la... C'est ça. Tu squeezes la bouteille et puis tu mets ça dans ton intérieur. Et puis, ça va aspirer ton... Ça va t'envoyer de l'eau dans le... C'est un bidet, là. Ça va t'envoyer de l'eau dans le... Tu squeezes la bouteille et ça va t'envoyer de l'eau dans le... Ouais. C'est un bidet, j'aime pas ça. Ouais, ça coûte 10$. Super. Hein? Ah. Bon. Prochain problème, t'as pas l'air assez folle dans la vie. Tu sais, tu ris, t'es capable de rire de toi-même, t'es capable d'avoir l'air folle des fois dans la vie. Ouais. Mais justement, tu pourrais avoir l'air encore plus folle en imitant un personnage de film comme la princesse Léa dans Star Wars. En mettant ce petit hoodie. C'est un capuchon, une veste à capuchon. Et quand tu mets ton capuchon, ça te fait avoir l'air d'avoir deux espèces de brioches sur la tête, un peu comme Princesse Léa. C'est brun, ça a l'air de... Ah, c'est comme... C'est laid, hein? Ouais. 60% coton, 40% polyester, ça coûte 54$. Qu'attendez-vous pour l'acheter? Ouais. Ensuite, j'ai pas lu les détails sur celle-là, je vais essayer de vous le lire quand même. C'est la Skyball. Si vous trouvez que vos balles rebondissantes sont pas assez rebondissantes, celle-là va rebondir jusqu'à 75 pieds dans les airs. C'est une balle de 4 pouces remplie d'hélium. Et donc, évidemment, vu qu'il y a ce gaz-là à l'intérieur, quand tu vas la faire rebondir, ça va rebondir jusqu'à potentiellement 75 pieds dans les airs. Le volume de gaz fait que c'est juste correct pour faire rebondir et après ça redescendre. Donc, c'est deux balles pour 20$, c'est vraiment pas cher. Mais c'est pas utile. C'est pas utile. Des secondes de plaisir, au moins. Des demi-secondes. Des centièmes de secondes. T'es paranoïaque, Jasmine, peut-être? Ça dépend pourquoi, là. Ouais, c'est ça. Mais il y en a qui sont plus que d'autres et qui veulent protéger leur cerveau des ondes extraterrestres avec du papier d'aluminium. Mais tu sais, oui. On voit tout le temps à l'asile. Comme dans Signe, dans le film Signe. As-tu vu? Non. Ah, les enfants sont avec l'oncle, là, je sais plus trop, puis ils se font des espèces de chapeaux en papier d'aluminium. Ils sont vraiment hot. Je vais aller trouver une photo. Cool. Ouais. Je vais trouver d'autres photos, moi, de ce film-là, mais ce sera peut-être pas celui-là. Papier d'aluminium pour recouvrir les murs de ta maison. Oui, c'est une tapisserie. Une tapisserie de papier d'aluminium. C'est super beau pour empêcher les voleurs de mots de passe, etc. Donc, voilà. La photo des papiers d'aluminium. Ah, wow. On dirait qu'ils ont des chocolats Hershey sur la tête. Oui, des petits bisous. Des kisses. C'est pas très bon, ça, depuis qu'ils ont changé le chocolat. J'aime pas ça, mais c'est hot, hein? Ouais, c'est bon. Et pour terminer, tiens, un autre problème soudainement dans la vie. Moi, en tout cas, je l'ai à tous les jours, là, c'est que je veux sortir mon appareil photo. Mais en même temps, pour prendre des photos, il faut que j'enlève mes lunettes. Et là, j'ai plus mes lunettes de hipster. Donc, il faut remplacer ça par un appareil photo en forme de lunettes de hipster. Ouais. Tu sais, et c'est en plus un porte-clés. En tout cas, je vois, il y a une chaîne qui est sur le côté. Donc je pense que c'est fait pour mettre à ton poignet. Donc, c'est vraiment un appareil photo. Tu mets ça, ça devient des lunettes de hipster. Tu cliques pour prendre ta photo et puis c'est fait. Voilà. C'est des Fuvi Megan Eyeglasses. Des lunettes de mode et caméra super pratique. Hmm. C'est génial. Voilà pour la chronique, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, on a réglé vos problèmes. C'est fait. Super. Pas si pire. Je me suis donc même pas créé des besoins. Ben, pas en tout, hein? Non. Pas en tout. Bon, en tout cas, je trouve que les indices que je te donnais étaient particulièrement trop faciles à deviner. Ouais, c'est pas le fun, je vais trouver un nouveau concept de jeu. Ouais. Ben, chaque semaine, un jeu différent, ça met de la vie, tu sais. Ouais. C'est la fin de la troisième heure de la vie de croisière d'assemblage requis. Tout à l'heure, dans la dernière heure, on va avoir notre top 2. On va entendre, entre autres, la musique de Robopop et vous allez découvrir qui est numéro 1. En plus de ça, on a la chronique de DJ Catardi. Oui. Oh yeah. Qui, aujourd'hui, nous explique le rôle des boîtes de nuit dans l'échelle évolutive. Ça a l'air vraiment très intellectuel, tout ça. Et Kim Bergeron, à la fin de l'émission, vers les moins quart, là, va nous parler de l'événement Mosaïque qui a lieu du 19 au 20 mai et va recevoir en entrevue l'artiste Elsiane. Super! Merveilleux! Youpidou babou babou! Ouais. Hi-ha! Hein? Restez là! Ouais. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Quatrième et dernière heure de la vie de croisière d'assemblage requis pour la semaine du 14 mai 2012. C'est Jasmine Raymond-Réville. Et c'est Mathieu Plante. Qu'est-ce que t'as à rire de mes longues phrases? Non, non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, on vient de m'envoyer une photo de moi avec un pot de moutarde dans les mains. Je trouve ça drôle. Ça te fait peur, hein? Oui. Hey, j'ai vu une émission d'un talk show quelconque hier sur des gens qui avaient peur. La fille, elle avait peur. Le cœur mêlé. Ouais, je sais. Mais c'était pas de la moutarde. La fille, elle avait peur des mannequins de plastique. Mais il y en a une, il y a une photo, ça doit être pas une photo, une vidéo, ça doit être la même émission là, américaine. La fille a horreur de la moutarde, là, mais ouais. Elle panique. Là. C'en est drôle, ça en est drôle. Je me voyais dans elle. Il y a les cornichons aussi. Oui, c'est dans la même émission. Ouais, je pense. Ça c'était Maury. Ouais, je me rappelle, j'ai vu ça. Non, mais c'est pas contrôlable, c'est une phobie qui est, j'imagine, causée par un traumatisme que t'as eu dans ta vie. On te demandera pas d'expliquer ça à non, la radio. Non, je sais, mais moi je sais pas d'où est-ce que ça vient. Ça a dû commencer de quelque part. Non, ça peut j'en pas, ai jamais mangé. Mais là, puis plus je vieillis, pire c'est. Ça se pourrait que ce soit inné, là, la peur de la moutarde. Ah, je suis sûr. Ah, peut-être. Okay. On aura peut-être un psychiatre à un moment donné, un psychologue. Peut-être. À l'émission. Ça serait drôle, ça. Chronique psychiatrique. Hein. Voilà, donc, tantôt, dans quelques minutes, DJ Catardi s'en vient avec sa chronique. Ces artistes, elle va nous parler, comme je disais tantôt, son sujet m'intrigue, là, c'est le rôle des boîtes de nuit dans l'échelle évolutive. Hmm. Eh ben. J'ai hâte de voir. Ouais. D'entendre. Mais pour l'instant, le numéro 2 du palmarès francophone, voici Robopop et Planétarium. 89.1 FM, c'est... La gare est triste et sans histoire. Lorsque la destination est la souffrance et le deuil, le train est plus rapide que l'œil. Le vin détresse. En quelques secondes, je vieillis d'un million d'années. Si je me trompe de station, je crois que ma tête va exploser. L'obscurité, le froid de l'automne, la tombée des feuilles dans la moréthone. La vie nous lance un ultimatum. Viens me rejoindre au planétarium. Pour voir mourir les étoiles. Pour voir mourir les étoiles. Pour voir mourir les étoiles. Pour voir mourir les étoiles. Juste encore? Ben, j'entends plus rien. Moi non plus. Ah ouais. Bon. Donc, toujours la vie de concert d'assemblage requis où les choses sont tellement imprévisibles que même les animateurs savent pas trop où c'est qu'ils s'en vont. Tout à l'heure, on va entendre le numéro 1, mais je voulais le garder pour plus tard dans l'émission parce que je me suis dit finir l'émission avec le numéro 1 serait mieux que de le faire à genre 45 minutes de la fin, tu sais? Oui. Et c'est pas mal là qu'on est rendu. Donc, on a entendu Robopop, Planetarium sur l'album La Vengeance du Capitaine Tom Morrow. Et maintenant, on va faire une petite incursion minuscule du côté anglophone, Jasmine. Oui, je vous l'avais déjà fait jouer, là. Le lancement était le 15 avril, donc dans la semaine suivante, le 15 avril. Mm-hmm. Donc, une nouvelle pièce de Patrick Watson sur son dernier album. Et la pièce s'intitule Into Giants. Je l'ai vu live au lancement, puis c'est pas la même version, évidemment, que sur le disque. Puis, en tout cas, tous les musiciens ainsi que le merveilleux Patrick étaient tous autour d'un seul micro. En tout cas, c'était bien beau. C'est cute. Ça. Ouais. Bon, on va entendre ça. Into Giants de Patrick Watson, nouvelle entrée du côté anglophone en position numéro 17. Et pour l'instant, on va juste profiter encore un petit peu de l'extérieur parce que notre amie DJ Catardi s'en vient et elle tient absolument à ce qu'on aille à l'intérieur d'une chambre du bateau pour ne pas entendre les bruits. Je pense que ça l'énerve. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les vagues? C'est plus diva, cette affaire-là. Time was running fast. While we were walking so slow, well, I watched us grow and grow. Carried our love in cups to go. Never needed anybody for me. C'était donc la nouvelle entrée de Patrick Watson dans le palmarès anglophone, la pièce Into Giants, qui est, ben comme je l'ai dit, une nouvelle entrée, Colin. Ben, Colin. C'est ça. Non, mais redondant. Ben oui, je sais, qui plante de même. Elle reste seulement le côté francophone en temps en première place. On le fera tantôt, plus tard, parce que là, on a une chroniqueuse qui vient d'arriver en studio. Oui. Oui. Salut, Matt. Salut, DJ Catarzy. Ça va bien? Ça va très bien. T'as remarqué qu'on est dans une chambre louée à l'intérieur de notre bateau de croisière, le SS Requis, comme ça, on n'entend pas les bruits de l'extérieur. Superbe. C'est le silence complet, gars, ça? Pense à rien partout. Je m'y complairais pendant des heures. Mais à la place, juste une seconde, le temps qu'on parte l'intro. Voici Ah, ces artistes! Ah, DJ Catarzy avec Ah, ces artistes, ça va bien en ce bel après-midi? Oui, ça va très très bien. Et aujourd'hui, je suis là pour vous dropper une éloge au monde du nightlife. OK. Donc, je me présente, Lijet Catardi, spécialiste en boîte de nuit. Et aujourd'hui, je vais situer les boîtes de nuit sur l'échelle évolutive. Donc, alors que l'espèce humaine existe depuis environ 7 millions d'années, les boîtes de nuit sont un phénomène assez récent, soit depuis environ 40-50 ans. Les bars et les clubs n'existent seulement qu'en milieu urbain populaire, puis ils regroupent majoritairement des étrangers ou des connaissances qui s'y présentent dans le but formel d'acheter de l'alcool et informel d'obtenir un statut social plus élevé ou de trouver un partenaire sexuel. Par statut social élevé, j'entends ici démontrer qu'on a du pouvoir, des connexions, de l'argent. Puis c'est vrai, la commodité la plus vendue dans un bar, c'est de l'alcool, mais c'est rarement juste pour faire plaisir à ses chums qu'un gars va acheter une bouteille à 400$. Puis c'est logique parce qu'être en moyen, c'est une qualité très prisée chez les partenaires masculins. Les gars sont pas fous, ils savent que ça envoie des signaux clairs aux chicks environnants. Instinctivement, les femelles libres sont attirées par les prospects qui auraient du potentiel pour faire vivre le noyau familial. C'est du darwinisme pur et dur. Donc, c'est d'ailleurs une des seules entreprises, une des seules façons de faire de l'argent dans le monde où est-ce qu'on peut se permettre de refuser certaines personnes sur des bases discriminantes et qui sont les plus élémentaires droits de la personne, tels que l'âge, le sexe, la race, puis toutes les choses qui font qu'on devrait aller en Cour suprême. Mm-hmm. Le doorman ou le barman tient donc le rôle de super puissance à l'entrée pour décider de qui entrera dépendamment des souliers, des casquettes, des ci, des ça. Tout un dress code qu'on n'est pas trop touché à Trois-Rivières, mais quand tu vas à Montréal, tu peux te faire virer de bord assez rapidement pour un petit look un peu dépareillé. Bref, sur cet éloge au barman, on va aller écouter la première chanson de Aurel San qui reflète un peu ma pensée. Donc, la chanson se prénomme « Un gros poisson dans une petite mare ». Ça date de 2009, Aurel San. Ouais, excuse-moi de te déranger, je t'observe depuis tout à l'heure et en fait, je te trouve trop charmante. Ah ouais, vraiment? Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que t'es le genre de meuf qu'on rencontre qu'une seule fois dans sa vie. Carrément, mais franchement, vous êtes vraiment tous des baratineurs. Vous pouvez pas venir nous voir comme ça, tranquillement, et nous dire simplement la vérité. La vérité? Ah, bah ça tombe bien, parce qu'en fait, j'ai pas eu de rapport depuis des mois. Je recherche une fille un peu facile, un peu naïve, qui voudrait sortir avec moi. Sortir avec moi. Physiquement, tu m'attires pas plus que ça, mais je taperai dans n'importe quoi. J'ai l'intention de te faire teaser, jusqu'à ce que tu veuilles bien dormir chez moi. J'irai jamais décrocher la lune pour tes yeux, mais quitte à rien branler, autant le faire tous les deux. Où je veux que tu sois plus ou moins ma petite copine, en attendant d'avoir trouvé mieux. Je vais pas te mentir, je suis pas vraiment ton prince charmant. Si tu veux bien sortir avec moi, c'est pour le pire. J'ai rien à t'offrir à part des mauvais souvenirs. Ça sera peut-être pas tous les jours la fête. Je suis qu'un homme, je réfléchis pas toujours avec ma tête. Maintenant, tu sais à quoi t'en tenir. Si tu veux bien sortir avec moi, c'est pour le pire. Oublie tes rêves d'ado, j'oublie ton anniversaire pour esquiver le cadeau. Je paye même pas le McDo. Si tu cherches un beau gosse sportif et romantique, c'est raté. Paraît que je suis juste un pauvre type égocentrique. Si ta meilleure copine est bonne, j'essaierai de l'attraper. Si je me fais cramer, je dirais que c'est elle qui m'a dragué. Je serai gentil quand t'auras bien travaillé. Un bouquet de fleurs de rond-point, je débarque chez toi quand j'ai plus rien à crailler. Je fais ni le ménage, ni la cuisine. Si on va au cinéma, c'est toi qui paye, c'est moi qui choisis le film. Si on va en boîte, c'est sans toi. Parce que si je rencontre n'importe quelle meuf qu'on s'entende, je rentre dans ta. Je préfère te dire la vérité. Oublie les clichés d'amour de série B. On pourrait peut-être kiffer, t'es peut-être ma destinée. Mais je te quitterai dès que je trouve une chienne avec un meilleur pédigré. Je vais pas te mentir, je suis pas vraiment ton prince charmant. Si tu veux bien sortir avec moi, c'est pour le pire. J'ai rien à t'offrir à part des mauvais souvenirs. Ça sera peut-être pas tous les jours la fête. Je suis qu'un homme, je réfléchis pas toujours avec ma tête. Maintenant tu sais à quoi t'en tenir. Si tu veux bien sortir avec moi, c'est pour le pire. Des fois je me tromperai de nom parce que je kiffe encore mon ex, alors je t'appellerai peut-être par son prénom. Des fois j'entrerai à l'aube avec 12 grammes dans le sang. De temps en temps je penserai à une autre quand on couchera ensemble. Tu verras jamais mes parents et je veux pas rencontrer les tiens. Je veux pas qu'on crée des liens, je te préviens. Si tu me dis je t'aime, je répondrai je t'aime bien. Si tu veux des câlins dès le matin, c'est mort, je dors, je fais rien. Si tu cherches quelqu'un pour confier tes problèmes, je suis une thérapie. J'ai plus de batterie dès que tu commences à raconter ta vie. Si tu crois que t'es enceinte, je disparais comme par magie. J'aurais changé d'adresse avant que tu sois rentré de la pharmacie. C'est l'amour à sens unique, je t'aime pas de signe d'affection en public. Je passe après mes potes et ma musique. Ça commence par bébé, petite puce, princesse, mon ange. Ça finit par où t'étais petite, quand est-ce qu'on mange. Je vais pas te mentir, je suis pas vraiment ton prince charmant. Si tu veux bien sortir avec moi, c'est pour le pire. J'ai rien à t'offrir à part des mauvais souvenirs. Ça sera peut-être pas tous les jours la fête. Je suis qu'un homme, je réfléchis pas toujours avec ma tête. Maintenant tu sais à quoi t'en tenir. Si tu veux bien sortir avec moi, c'est pour le pire. Alors, Eratum, ce n'était pas gros poisson dans une petite mare, c'était pour le pire de Orelsan. Mais ça. L'autre sera plus tard quand même. Là. Oui, moi, c'est ça. Je suis dyslexique des chansons, c'est pour ça. On a juste fait une petite inversion, mais c'est ça, la radio communautaire, c'est pas plus grave. Ris pas de moi. Donc, je vais continuer. Suite à cet hymne aux salauds et cette petite chanson de notre génération des abusés, je vais continuer à situer, dans le fond, tout simplement les boîtes de nuit dans l'échelle évolutive. Mm-hmm. Donc, si on regarde objectivement, tel un scientifique, qu'est-ce qui se passe dans les boîtes de nuit? Bien, on peut voir qu'une fois entrés dans le club, les clients sont soumis à une foule de stimulus qui altèrent leur perception puis qui donnent lieu à une vision altérée de la réalité. La faible lumière avantage la parade sexuelle en estompant les petites imperfections. La musique très forte avantage les moins extravertis puis les moins intelligents. Merci, Werber. Puis, si 90% de la communication se joue dans la vie de tous les jours, dans le non-verbal, ce chiffre-là doit être vraiment plus élevé dans les boîtes de nuit. Aller au bar, c'est plutôt pratique pour faire connaissance avec des purs étrangers, bref. Tu t'abordes, tu commandes un verre, tu ris de quelqu'un ou tu commentes une situation. Tout ça de manière très détendue parce que c'est le milieu naturel des jeunes adultes en route. Disons que ça paraît moins mal d'aborder quelqu'un de nowhere dans un bar que dans une file d'attente chez Desjardins. Puis, il y a aussi ce majestueux briseur de glace, ce réchauffeur de cœur, ce doux nectar hors de prix qui fait que ben, l'homme a une relation privilégiée avec l'alcool depuis des millénaires. Prenons par exemple les cultures du nord de la Méditerranée qui considéraient le vin comme un breuvage mystérieux qui facilitait le lien sacré entre l'humain et le divin. Bon, c'est vrai, cette boisson enivrante était considérée comme un produit magique d'origine divine, si on pense à Dionysos, Bacchus, etc. Puis, par après, ça a été un peu plus scientifique dans la manière de voir les choses. Ça a été isolé par les alchimistes qui l'appelaient eau de vie. Donc, l'alcool, ce lubrifiant social par excellence, désinhibe, détend, donne l'illusion de lâcher prise et peut même provoquer des hausses d'estime de choix de soi chez les individus plus insécures. On l'a appris grâce au rat de laboratoire qui était Love Story et Occupation Double. La conscience de soi peut donc devenir accrue après un ou deux verres, donner l'impression d'avoir plus de swag un petit moment, mais ça redescend assez exponentiellement après. Le statut social, le pouvoir, les différents éléments qui altèrent l'attitude puis la conscience amènent donc les gens à s'en permettre plus qu'ils devraient. Dans les clubs, les lois sont constamment bafouées puis l'étiquette a plus lieu passé minuit, même des fois avant. Tous les processus mentaux cognitifs visant à assurer notre sécurité laissent place aux besoins primaires. On s'engourdit le lobe frontal volontairement pour régresser psychiquement. Certains utilisent même l'alcool comme excuse pour régresser moralement. Lorsque sous l'intelligence fluide, soit celle qui régit l'intuition et qui permet l'acquisition de nouveaux apprentissages, n'a plus lieu, seule l'intelligence cristallisée, qui est dans le fond les acquis bien ancrés, demeure. Faut se dire qu'en soirée, l'alcool et les drogues n'influencent pas seulement comment on perçoit la soirée, mais également comment la mémoire va encoder physiquement les stimulus et donc le souvenir de la soirée. Mémoire sélective quand tu nous tiens. Peut-être on a-t-on assez d'être tout le temps sérieux, intelligent, civilisé. Puis on cherche ainsi à rétablir le lien profond avec nos besoins primaires qui sont tant refoulés en société. Probablement pour le bien de tous. Mais ces besoins primaires, quels sont-ils? Examinons-les et également leur lien avec le monde du nightlife. Donc, Mathieu, selon toi, les besoins primaires? Dans la vie. Ouais. L'amour... Hein? L'amour? Est-ce qu'on peut dire le sexe pour le bien de la chronique? OK, le sexe, oui, évidemment. Moi, très, donc, ma fille centrée là-dessus. Là, oui, c'est ça. Tout autour de ça. Oui, mais c'est fondamentalement de l'amour. Oui, oui, OK. Je suis d'accord avec toi. Alors, ben, on dit faire l'amour, pas pour rien. Hein? Pas pour rien. Pas pour rien. Là, faut que je réponde en tant que gars typique, j'imagine, le genre gratte-gratte l'entrejambe. Non, non. Ils vont dire l'argent, elle cache. Non? Ben. À quoi ça sert d'avoir de l'argent? Les manger, besoins, mettons, ouais. manger des ça. Fois. Manger. Ça peut être le fun. Avoir un toit sur la tête, etc. Exactement. Ça, c'est de la sécurité, mais c'est comme des besoins secondaires. Tu peux survivre même si t'es pas sécuritaire. Tout à fait. Tout à fait. Dans l'échelle de Maslow, là, c'est la deuxième coche au-dessus. Là. OK. Mais c'est ça, il y a le sexe, manger, boire et l'agression. Donc, si on regarde ça... ces poussées primitives-là, dites du cerveau reptilien, ben, sont plus facilement à notre portée une fois que les normes sociales sont mises de côté et que la désinhibition de l'alcool a son plein effet. Donc, manger. Pourquoi on n'a pas le désir intense de manger une bonne salade à 3h30 du matin plutôt qu'un burger et une poutine? C'est parce que les gras et les glucides qui contiennent plus d'énergie, puis c'est la forme la plus primitive de survie qui guide nos actes lorsqu'en état d'ébriété. Ça, puis c'est bon en salle du junk food. On va se le dire. Sinon, je m'éterniserai pas sur le fait de boire. On passe à un autre. Oui. Point. Ouais. Dans le nightclub, t'sais, pas besoin de vous faire un dessin que les gens boivent toute la nuit. Donc, c'est déjà assez intégré dans le mode de vie. Comment font-ils? C'est ça. L'agression. Plus de 50% des crimes violents sont commis sous l'influence de l'alcool. Ben oui. Puis j'ai déjà eu des chums de gars pour qui se battre d'un bar relevait pratiquement du loisir. Pas fort. Est-ce qu'ils se battaient pour toi? Non. Non, non. Pas fort, mais bon, je ferais pas exprès de leur faire de la pub étant donné que je trouve ça gravement épais. Le sexe. Les filles passeraient pas 2 heures à s'arranger et danseraient pas autour de leur sacoche pour perdre du poids. Sinon, elles iraient au Zumba ou voir aérobain. Est-ce que je suis seule à être certaine de son homosexualité et je ne voudrais pas manquer de respect au fait qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale contre l'homophobie. Exactement. Mais à Robin, j'espère qu'il s'assume. Oui, on dirait qu'il s'assume, c'est important. Les gars, eux, boiraient volontiers leur bière à maison, assis sur le divan. Mais bon, il y en a toujours un célibataire dans le groupe qui cherche à step sa game parce qu'il veut renouveler sa relation ouverte avec sa mère. Puis, c'est ça. Fait qu'on a passé... On a fait le tour de pas mal tous les besoins primaires, toutes les pulsions du cerveau reptilien. Et après avoir décortiqué le rôle du nightclub dans l'évolution, je laisserai l'élément le plus influençant comme sujet de chronique pour la semaine prochaine. Je parlerai donc du fait que la musique a fait partie de toutes les différentes sociétés qui ont peuplé la Terre. Et on peut en quelque sorte affirmer que la sélection naturelle a donc avantagé les amateurs de musique. Je décortiquerai également les tendances dans les tonalités. L'effet rockstar, le mouvement bedroom DJ. Bedroom DJ. Etc. Là, tu m'intrigues. Mais c'est plus en général la musique dans l'échelle évolutive. C'est la Donc prochaine. C'est ça, c'est la chronique part 2. Parfait. Et la semaine prochaine, on jouera tes tonnes dans l'ordre parce que là, on se quitte avec la pièce que tu voulais nous faire entendre au début de la chronique. Exactement. Gros poisson dans une petite mare de Orelsan. Restez là. Merci, Digette. Dis, tonton Aurel, tu pourrais nous raconter une histoire? Ok. Ça s'appelle Gros poisson dans une petite mare. Ça parle des gens qui se donnent trop d'importance. Vous êtes prêts, les enfants? Ouais! Ok. Jessica marche torse bombée dans les rues de son village. On lui donne 20 ans. Elle en a 17 derrière le maquillage. C'est la pillage la moins moche de son bled paumé. Donc tous les gars du coin rêvent de la dégommer. Ses projets, c'est d'arrêter les cours, monter à la capitale pour devenir actrice ou faire du mannequinat. Ses rêves de starlet lui montent à la tête. Plus rien n'est assez bien pour elle à part le strass et les paillettes. Elle sort avec Nico, 26 ans, physio. Rien dans le crâne, tout dans la lacrymo. Dans la boîte, c'est lui qui fait la loi. Il est du genre à te recaler juste pour te prouver qu'il a le droit. Fier comme un roi sur son trône. Choisir qui peut rentrer lui donne l'impression d'avoir le contrôle. Il joue parfaitement son rôle d'enculé de videur. Quand il te claque la porte à la gueule avec un air supérieur. C'est pas parce que t'es la plus bonne du village que t'es bonne. C'est pas parce que tu gardes l'entrée de la boîte que t'es le boss. Si tu pèses à petite échelle et que tu te la racontes, t'iras nulle part et ce sera trop tard quand tu t'en rendras compte. Un gros poisson dans une petite mare. Le roi des fourmis, le prince des soufis. Un gros poisson dans une petite mare. Je te parle de bluff dès que c'est d'orgueil, d'abus de pouvoir. Un gros poisson dans une petite mare. Le roi des fourmis, le prince des soufis. Un gros poisson dans une petite mare. On trouve toujours plus fort que soi, c'est ça la morale de l'histoire. Fabrice colle des affiches dans sa ville. Avec son nom écrit plus gros que l'artiste dont il fait la première partie. Son but dans la musique c'est de serrer des gamines et rentrer gratuit dans la seule boîte du coin où il est VIP. 24 heures sur 24 avec sa suite. La vingtaine de personnes qui achètent ses disques et lui sucent la bite. Il joue les quinries sur la piste. Mais quand tu retires les lunettes de soleil de luxe, y'a plus de charisme. Il passe son temps à dire qu'il est dans le son au lieu d'en faire vraiment. Il trouve ses plans grâce à son grand frère Clément. 27 ans, organisateur d'événements. Business mythomane dans la musique et les vêtements. Manager de jeunes plein d'espoir qui l'emmènera nulle part. Ses contacts, c'est le pote, la sœur du beau-frère d'une star. Lui dit Barclay du Calvados, tout dans le bluff jusqu'à son costard Dolce Gabbana. C'est pas parce que t'as 20 groupies que tu vends trop de disques. C'est pas parce que tu passes 3 coups de fil que t'es dans le showbiz. Si tu pèses à petite échelle et que tu te la racontes, t'iras nulle part et ce sera trop tard quand tu t'en rendras compte. Un gros poisson dans une petite mare. Le roi des fourmis, le prince des soufis. Un gros poisson dans une petite mare. Je te parle de bluff dès que c'est d'orgueil, d'abus de pouvoir. Un gros poisson dans une petite mare. Le roi des fourmis, le prince des soufis. Un gros poisson dans une petite mare. On trouve toujours plus fort que soi, c'est ça la morale de l'histoire. Yeah. Dans le monde du travail, j'ai croisé pas mal de fois les mêmes types. Des chefs d'équipe, des responsables de chaîne, des managers chez Quick qui vendaient leur mère pour grimper les échelons. À qui tu donnes un peu de pouvoir et qui pète les plombs. Le dernier que j'ai rencontré s'appelle Claude, c'est son vrai nom. Je crois pas qu'il écoute mes sons, mais bon. Son empire c'est la réception, son carrosse c'est son Opel. Le pire c'est que c'est même pas le boss de l'hôtel, c'est l'assistant direction. 1m60 de frustration, bon qu'à abuser de sa situation. Quand il est pas en train de lécher les boules du patron, c'est qu'il engueule ses collègues comme si c'était une passion. Insulte, coup de pression, réflexion mal placée. Des trucs qui donnent envie de plus jamais travailler. Jamais. Un vrai petit nazi, obligé de rabaisser les autres pour essayer d'aimer sa vie. Conclusion. C'est pas parce que t'as du pouvoir que t'es le chef. Non. C'est pas parce que tu donnes des ordres qu'on te respecte. Si tu pèses à petite échelle et que tu te la racontes, t'iras nulle part et ce sera trop tard quand tu t'en rendras compte. Un gros poisson dans une petite mare. Le roi des fourmis, le prince des soufis. Un gros poisson dans une petite mare. Je te parle de bluff dès que c'est d'orgueil, d'abus de pouvoir. Un gros poisson dans une petite mare. Le roi des fourmis, le prince des soufis. Un gros poisson dans une petite mare. On trouve toujours plus fort que soi, c'est ça la morale de l'histoire. Un gros poisson dans une petite mare. Un gros poisson dans une petite mare. Un gros poisson dans une petite mare. Un gros poisson dans une petite mare. Retour la chronique de Kim Bergeron à la vie de croisière d'assemblage. Merci tonton Aurel, a été super ton histoire. Ça j'ai me pas fait tout plaisir. Compris, mais il y avait plein de gros mots. Fais-toi-en pas avec ça, petit jeune. Ok, j'arrête. Rassemble ceux qui pour toi aujourd'hui.

Ce qui met le travail avant, tu mets comme tout le travail avant, et après ça tu peux dire 30 secondes, c'est pas si dur. Exact. Ça, faut que tu mettes ta pre-prod, faut que tu mettes ta préparation en avance. Et puis ça, ça peut durer un mois. Hein? Ça peut durer une vie. C'était notre numéro 1 Radio-Radio avec la pièce Galop sur l'album Havre de Grâce. Après bon. Un savoureux jeu de mots. Oui, ben là. Comme toujours. C'est ça. On reviendra pas dessus, là. Hein? Non. C'est ça. On va le laisser à terre avec les mouches. C'est un jeu de mots de caca. Okay. Donc, un petit peu de sérieux dans l'émission aujourd'hui, parce que là, ça va faire les niaiseries. Hein? Ça va ça, faire. Ça, c'est quand qu'il m'arrive, hein? On se trouve que t'arrives, tu ouais. ramènes le sérieux. Ouais, c'est ça, oh là là. Tant mieux, tu sais, c'est ce qu'il faut des fois. Jasmine, elle veut pas me bafouer. Hein? Mm-hmm. C'est difficile de me contenir. Ou de me retenir si je veux faire un autre... Ouais. Okay. Ouais, donc, Guy Bergeron, avec ta chronique culturelle qui s'en vient, est-ce que tu préfères qu'on la fasse sur le bateau à l'extérieur comme on est là, ou est-ce que t'as mieux qu'on entre dans le bateau? Il y en a qui aiment mieux ça dépend, c'est pour toi. Sur le bateau comme ça, je trouve ça génial. Je te comprends. Ça me fait avec mouettes. Mon sujet. Les mouettes? Ouais, les mouettes. Donc, voici la chronique culturelle de Kim Bergeron. Kim Bergeron, bienvenue! C'est de toute beauté, c'est la première fois que je l'entends, cette musicale-là. La première fois qu'on l'utilise aussi. Ouais, merci Mathieu. Ça fait plaisir. Bon, tu vaux bien génial. Ça. Oh, merci, merci. Donc aujourd'hui, chronique comme. C'est une bonne chronique, tu sais. Ah, ouais. Chronique que de la viande. Mais écoute, parce qu'il se passe de quoi à Trois-Rivières en fin de semaine? Voilà. Et ça se passe justement à l'Agora du Parc Portuaire. C'est pour ça que les mouettes, je trouve que ça fit avec mon sujet. Ah, c'est vrai. Hein? Ça va bien accompagner la musique qu'il va y avoir en fin de semaine au Parc Portuaire. Donc, c'est l'événement multiculturel Mosaïque qui en est à sa deuxième édition en 3 ans. Donc, ils ont fait une première édition. Ça se passe aux Innobles, c'est très underground cette année. Il va y avoir un gros chapiteau au Parc Portuaire. Puis, il y a une belle programmation, donc multidisciplinaire et multiculturelle. Donc, il y a plusieurs volets musicaux. Volet art visuel, il y a même du tricot. Tu peux arriver là, avec Evelyne Boutet qui vient de s'ouvrir une nouvelle boutique, Le Beau Brin, dans le centre-ville. Puis elle va donner des ateliers de tricot dimanche après-midi, 14h30. Si ça vous dehors! Tente. Dehors! C'est cool! Spécial, ouais. Ça, c'est il fait beau, ça va être cool. Ben oui! Je pourrais y aller. Mais même s'il fait pas beau, il y a un chapiteau, fait qu'il n'y a pas de problème, tu peux y aller pareil. Pas d'excuse! Ouais, le nom beau, de l'événement vient d'où? Le nom de l'événement, il vient d'où? Ben écoute, c'est une excellente question. Je sais pas. C'est pas OK. Non. On dit que c'est interculturel un peu, ben, le ça, thème. C'est multiculturel. On vient imbriquer différentes affaires en une mosaïque de culture et de choses. Là, c'est logique. Et même le premier visuel de la première édition, c'était une mosaïque de photos de gens qui participaient, puis des gens de toutes les couleurs. Et, bon. Ouais. Et il y a même un atelier de mosaïque aussi. En plus, des gens qui peuvent arriver pour faire de la mosaïque. Attends un petit peu, je te cherche ça. C'est quand? Chantal Berthiaume, présentera sa technique de création avec sable. C'est une autre chose. Il y a Roxane Campo qui fera une démonstration de mosaïque. Donc, ça se passe samedi. À part ça, écoute, il y a Roberto Lopez Project qui fait dans la musique cubaine. Ça, c'est la grosse soirée du samedi. Il y a même du théâtre avec le Théâtre Domino qui vont faire carrément une création en direct en 24 heures pour présenter ça ensuite au public. Donc, une série de courtes pièces qui seront présentées sous le chapiteau. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à voir. Un peu plus tard, on aura une entrevue avec Elsiane qui fera un spectacle lancement. Ils viennent tout juste de sortir un album. Donc, comme ça, ça se poursuit sur les 2 jours. Il y aura aussi de la musique ambulante avec Martin Bournival de Trois-Rivières et Danny Armstrong, que vous connaissez peut-être. Qu'est-ce que je peux vous nommer d'autre? Basile Seni, aussi de Trois-Rivières, qui va faire un jam de percussion africaine. Donc, un gars d'origine burkinabé. Il y a aussi, dans le fond, l'événement Mosaïque, là, ça a été créé par Igor Bartula, qui est un bassiste de la région d'Orchard. Il joue dans Caïman Fou. Il jouait dans Caïman Fou. Oui, dans Caïman Fou. Non, il n'y a pas de problème. C'est tout nouveau, ça n'a même pas été annoncé. Quoi. Oh! Des potins. Ouais. Mais c'est ça, donc Igor Bartula qui a décidé d'instaurer cet événement-là parce que lui trouvait que il s'était très bien intégré. Ça fait peut-être 15 ans qu'il est au Québec d'origine bosniaque. Et tout en gardant de sa culture d'origine, il a réussi à super bien s'intégrer ici à Trois-Rivières. Puis il voulait contribuer et aider les nouveaux arrivants à s'intégrer comme ça. Et aussi les gens de Trois-Rivières à voir les autres cultures. Parce que c'est pas quelque chose auquel on a accès énormément ici dans la région. Tu sais, à Montréal, on peut comprendre là, qu'il y a énormément de nouveaux visages. Là, mais à Trois-Rivières, on est peut-être moins familier avec ça. Donc c'est une occasion pour les gens de venir découvrir toutes sortes de cultures, donc autant cubaine avec Roberto Lopez que péruvienne avec Elciane, ça je l'ai pas mentionné tantôt, donc Afrique. Et il y a non seulement Igor Bartula qui est derrière cet événement-là, il y a aussi Isabelle Gauvin, une artiste en arts visuels. Donc c'est les deux cofondateurs de cet événement-là. Et elle présentera son projet Barnik, qui est... transforme en optométrice factice. Je te rajoute toujours un R, mais je ne veux pas. Donc, c'est ça. Puis, elle a un cabinet mobile. Elle vous fait un examen de la vue pour vous soutirer votre vision du monde. OK. Ouais, ça a l'air spécial. Hein? Ouais. J'aime ça. Ouais, il y aura aussi les portageux samedi à 16h. Ça va commencer la programmation musicale. C'est un groupe de la région qui prend des chansons traditionnelles de la Mauricie. Spécifiquement de la Mauricie, ils sont allés fouiller dans des archives pour trouver ça, puis trouver des vieilles madames qui chantaient tout croche. Puis donc, ils ont repris ça, ils ont sorti un album en décembre passé. Puis donc, c'est vraiment le mélange des cultures, là, autant québécoises là, que des cultures d'ailleurs. Donc, ça va être super intéressant. Samedi 19 mai et dimanche 20 mai. On peut peut-être aller écouter une chanson d'Elciane. Il s'agit de la pièce Mechanics of Emotion. C'est la pièce titre de leur plus récent album. Alors, est-ce qu'on est prêt, Mathieu? On y va. Voici Elciane. Contemplating, isolating. trapped in all the shadows of your pain. But sadly you were never back the same way. I'll always try to bring your life again. How am I supposed to heal you? Alors, c'était Elsiane avec la pièce Mechanics of Emotion tirée de son album du même titre, son deuxième album qui vient tout juste de paraître et pour lequel ils feront un spectacle lancement ce samedi à 20h dans le cadre de l'événement multiculturel Mosaïque. Donc, à part Elsiane, que malheureusement, on n'aura pas pu avoir en entrevue, mais bon, on poursuit avec le reste de la programmation. Il y aura, entre autres, un autre groupe de la région qui s'appelle Mano Ardiente, donc qui est originaire de Grande-Pile et de Shawinigan, qui font dans le style Nuevo Flamenco. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi, il faut venir à l'événement dimanche 20 mai à 13h. Donc, un petit party ensoleillé avec Mano Ardiente. Il y aura aussi le théâtre de la Dame de Cœur qui vient de Victoriaville, donc qui viendra faire une présentation pour les enfants des marionnettes géantes avec les enfants. Ça va être de toute beauté. Et le groupe d'Armo aussi. Connais-tu ça? Non. C'est vraiment spécial. C'est quatre harmonicistes. Puis il y a que des harmonicas dans ce groupe-là. Très bonne idée. Puis il y en a des grosses de même. Là. Hein? Le monde ne me voit pas, là, mais des. C'est tes bras. Les bras grands ouverts. Ouais, c'est ça. Donc, puis même sur leurs photos, ils sont quatre sur la même harmonica. Là, c'est de toute beauté. Donc, j'ai très, très hâte de voir ça. Et c'est la première fois qu'ils vont venir à Trois-Rivières. Donc, une exclusivité pour l'événement multiculturel Mosaïque. Donc, qui se tiendra, je le rappelle, du 19 au 20 mai. Ça, c'est donc, c'est en fin de semaine. Samedi à dimanche. Samedi à dimanche. Mais oui, c'est deux jours, mais deux très belles journées. Il annonce du soleil. Hey. Puis on va entendre des mouettes comme présentement. Ça va juste bien fitter. Ils vont jouer de la guitare pareil. Oui, oui. Donc, au parc portuaire, sous un grand chapiteau, beau temps, mauvais temps. Ça va être génial, j'ai hâte de voir ça. Oui, soyez-y. On va se quitter avec une autre pièce d'Elsiane, question de la remercier de ne pas avoir appelé. Ben ouais. Elle mérite ça. Donc, deuxième pièce tout de suite, Underhelped. Oui, exactement. Une très belle pièce aussi. On entend un peu ses origines péruviennes à l'intérieur de ça, avec les petits sons électro en arrière pour bonifier le tout. Moi, j'adore ça. J'avais adoré le premier album. Et voici un deuxième album tout autant fantastique, selon moi, à première écoute. On écoute ça, la vie de croisière, l'assemblage requis. Restez là, on revient pour se quitter juste après. Oh. Dis bye-bye aux oiseaux. Aux oiseaux guitaristes. Ils devraient jouer de l'harmonica, nos oiseaux. C'est pas pire. Moi? Je vais leur demander. Ouais, je suis bien tête avec eux. be alive at times and never quite the same. Ain't it true? You was holding on to I was never there. Why did you say I've been acting against you, not wanting you there? Why did you keep on holding quietly? It's not a shame. C'était un extrait de la pièce Underhelped avec le duo Elsiane, qui est constitué de Elsiane Caplette et Stéphane Soto, qu'on a la chance d'avoir au téléphone présentement. Bonjour à vous deux. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va. Excité de venir à Trois-Rivières ce week-end? Oui, on a hâte en fait d'être de retour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été faire des spectacles là-bas. Et puis, vous venez tout juste de lancer un deuxième album. Comment ça s'est passé pour vous avec l'enregistrement, avec qui vous avez travaillé, tout ça? On a enregistré l'album nous-mêmes, on a produit l'album nous-mêmes, puis on a travaillé avec l'ingénieur de son Rob Heaney et Harris Spur, puis aussi un ingénieur Montana, Martin Isles. Puis on avait fait ça, fait l'album comme nous autres on le voulait faire. Vraiment, c'est exactement les arrangements, tout ce qu'on voulait faire nous-mêmes. Puis c'est ça, c'est autoproduit et on avait la chance de travailler avec le gros ingénieur Rob Heaney ici à Québec. Alors on est très fiers de ce travail. Et ça a pris 5 ans avant d'avoir un deuxième album de vous. Est-ce que ça a pris 5 ans à faire cet album-là, à le composer et tout? Vous avez passé ces 5 dernières années-là là-dessus? Ben, en fait, ça n'a pas pris 5 ans de le faire. C'est juste que dans le temps, on était avec une maison de disques, puis il y a eu beaucoup de changements dans l'industrie, puis c'est sûr que ça a pris longtemps avant qu'on se trouve comme libre pour faire ce qu'on voulait faire. Puis ben c'est ça, nous autres, on a décidé de quitter la maison de disques puis continuer nous-mêmes indépendamment. Puis c'est pour ça que ça a pris longtemps, mais en même temps aussi, on a fait d'autres choses de côté. On a fait des collaborations, on a fait un show avec Cirque du Soleil l'année passée dans l'été. Comment c'est arrivé, ça, cette expérience-là? Oh, en fait, ben le concepteur, Olivier Dufour, il était déjà fan de nous, puis il nous a demandé si on voulait faire le show avec lui, puis en fait, Cirque du Soleil avait demandé pour faire le show avec lui, puis c'est comme ça que c'est arrivé qu'ils nous ont appelés, puis ils voulaient qu'on collabore pour faire des compositions aussi, puis ça a été très intéressant parce que le show avait une touche vraiment Elsiane, comme on dit, puis c'était une très belle expérience, en fait, oui. Il faut dire que votre style musical marche très bien avec un spectacle du Cirque du Soleil. Est-ce que pour cet album-là, vous aviez une ligne directrice avant même de commencer à composer? Est-ce que vous aviez une intention précise derrière la tête en composant vos chansons? En fait, cet album, c'est sûr, il y avait beaucoup d'inspiration de mes racines qui sont du Pérou. Puis les chansons sont vraiment sorties vraiment naturellement. Ça n'a pas été comme penser à c'est quoi que je vais faire. C'est juste sorti comme ça. Puis c'est très prononcé en fait l'influence de les racines, mes ancêtres aussi. Puis c'est toujours en fait inspiré par mes épisodes de vie, puis les expériences que j'ai vécues. Puis c'est très émotionnel en fait. Je veux tout le temps que le monde sente quelque chose avec les chansons, puis les amener ailleurs de qu'est-ce qu'on écoute d'habitude. Puis c'est ça, l'album est juste sorti comme ça, mais ça fait... On n'a pas pris comme 5 ans de le faire, c'est juste que C'était déjà composé, mais ça a pris plus le processus de le faire. C'est aussi long parce qu'on est indépendamment aussi, on le fait seul. Mais c'est comme ça, c'est inspiré de les racines péruviennes. Alors, on le rappelle, vous serez à Trois-Rivières ce samedi à 20h à l'Agora du Parc portuaire. À quoi on peut s'attendre de ce spectacle-là? C'est sûr qu'on va jouer pour à peu près 45 minutes à voix. Alors, ça va être pratiquement juste moi puis Elsiane sur la scène. Puis on va jouer avec une couple de séquences de l'album. Aussi, on va essayer de faire différentes versions de certaines tunes qu'on a déjà jouées là-bas. Mais ça va être quelque chose de plus minimal, mais quand même, ça va quand même montrer aux gens un peu le nouvel album. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis on vous voit sur la scène ce samedi, donc sous le chapiteau à l'Agora du Parc portuaire. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. À samedi. Bye. Bye. Alors, c'était Essiane, finalement. On a réussi à les avoir en entrevue téléphonique. Ils n'étaient pas tout à fait avec nous. Mais pas physiquement, je veux dire. Mais tant mieux. Mais il était oui. là à la fin. Oui. Et merci à toi, Kim Bergeron, pour l'entrevue et pour ta chronique culturelle. C'est un plaisir. On a débordé un peu, hein? À peine, à comme peine. Toujours. C'est ça. Comme toujours. À la limite, on est pas mal moins en retard que d'habitude. Ah, OK. Phew. C'est bon. Donc, Kim Bergeron, à la semaine prochaine, en fin d'émission, 15 minutes avant la fin environ. Oui. Voilà. Ce sera une surprise, j'ai pas encore choisi mon thème. Bon, on a hâte d'entendre ça. Nous, ça va être la fin de l'émission pour aujourd'hui. Jasmine, déjà. Après 4 heures de bonne radio avec tout plein de chroniqueurs des plus fantastiques, on va prendre le temps de les remercier. Évidemment, on a eu David Ferron en début d'émission. Ensuite, on a eu Mathieu Roy. On a eu aussi Simon Fidibé après. DJ El Catarzi. Kim Bergeron. Toi, Jasmine Raymond-Raville, merci. Toi, Mathieu Plante. Oui, à la semaine prochaine. On se retrouve jeudi en direct entre 13h et 17h. Ce qui, après nous, à 18h, c'est Rock Révélé avec Serge Nadeau. On passe les samedis à midi. C'est suivi de C'est pas Cancun avec deux drôles de farfadets. Ensuite, le lundi à 15h. Et ce qui, après nous, c'est Simon Fédibé à partir de 20h pour son émission Un genre de bleu. On se quitte avec le numéro 1 anglophone parce qu'on a déjà entendu le numéro 1 francophone plus tôt dans l'émission. Donc, ça a changé, ça. C'est Fred. Bon, ben, tu viens de demander un punch, hein? Ben, c'est un peu ça. J'avoue que ça fait dur un peu de dire la punch de même. Pas fort, hein? Mais là. Pas fort. Même pas de jeu de mots. Je vais reprendre la semaine prochaine. Non, mais la semaine prochaine, ce sera le jeu de mots. Ah, mais là, ça veut dire que je le sais à l'avance, donc ben, je vais ça. Préparer mon jeu de mots dans ma tête. Ça marche pas, ça. T'en prends un avec une autre position. Pas fort. Mettons la 4. OK, bon. Tu me la rappelleras. Toi, puis tes petits jeux dans mes affaires, c'est le fun, j'aime ça. Ben oui, c'est bon. Eh, ben. Ah, tu l'as déjà fait. Quoi, ça? Tu l'as avec la 4e position anglophone. Ouais, j'avoue. Pendant 2 semaines. Bon, ça va rester mauvais pareil. C'est ça. Non, mais non. OK. Bye. Bye. Bye. À peu près peut-être 5 minutes de moins qu'à l'habitude, ça. OK. 4h10. D'accord. 4h10? 5h10? Ben, 4h10 de durée d'émission. Ah. Ouais. OK. On va se dire bye combien de fois avant de s'en aller pour vrai? 6. Bye. 7. Ah. Yes. that you only have to liquefy your fear, and you dial it into something that you've known about for years. Like a momentary tonic that calcifies the bones inside you, drinking in the free.